Moitié nord. Par contre, on a une nouvelle perturbation qui arrive par le sud, du coup grisaille et averse au menu, avec même quelques orages possibles sur le pourtour méditerranéen. Et en Corse, les températures bien fraîches ce matin, entre 5 et 15 degrés. Pour la première fois, on voit des températures négatives puisqu'il fait moins 1 au Puy-en-Velay et seulement un petit degré du côté de Clermont-Ferrand. Il fera de 14 à 23 et cet après-midi, 17 en région parisienne. Et puis la pollution, c'est nickel. Les indices sont compris partout entre 2 et 4. De violents affrontements hier soir en Corse. Ils ont opposé des jeunes nationalistes aux forces de l'ordre. Ce qui n'était au début qu'une simple manifestation s'est vite transformé en guérilla urbaine. Les heurts ont éclaté à Bastia, conséquence d'un procès qui se tient à Paris et qui implique 3 membres d'un mouvement indépendantiste. 4 policiers ont été blessés. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, condamne avec la plus grande fermeté des violences qu'il estime inacceptables. Un règlement de compte qui glace le sang au Blanc-Ménil en région parisienne. Un homme d'une trentaine d'années a été tué par balle hier après-midi. Il se trouvait dans un restaurant quand le tireur a fait irruption et l'a visé délibérément. Le meurtrier a pris la fuite en scooter avec un complice. Une enquête a été ouverte. La victime était originaire de Drancy. 2 policiers attaqués à l'arme blanche hier à Bruxelles. C'est lors d'un contrôle que l'individu a sorti un couteau. Les jours des 2 policiers ne sont pas en danger. Les autorités soupçonnent un acte terroriste. L'agresseur serait un ancien militaire connu de la justice pour ses contacts avec des combattants partis en Syrie. Les États-Unis qui se préparent à l'arrivée de Matthew normalement la nuit prochaine. C'est l'ouragan le plus puissant dans la région depuis une dizaine d'années. 4 états du sud-est, dont la Floride, sont concernés. Toutes les villes côtières ont d'ailleurs été évacuées. Matthew a déjà fait une vingtaine de morts, notamment à Haïti. Bilan encore très provisoire car une moitié de l'île est encore coupée du monde. Les élections présidentielles et législatives prévues dimanche ont d'ailleurs été reportées. Du foot et une mauvaise passe pour les Bleus. L'équipe de France Espoir est bien loin d'être qualifiée pour l'Euro. L'Islande a remporté son avant-dernier match hier contre l'Écosse. Les Islandais sont désormais devant les Français à égalité de points avec la Macédoine et à une longueur des Bleuets. Il faut désormais un faux pas des 2 équipes et une victoire mardi prochain à tout prix à Belfast contre l'Irlande du Nord, sinon ce sera mort. Et ben ce sera gagné tout à l'heure. En tout cas, le match demain soir, le match des Grands Bleus. Les voilà. Bleuets, on leur souhaite bonne chance. Rémi, une belle journée à toi et à nous tous aussi parce que ça y est, c'est parti. Il est pile 6h, on est en direct, c'est le morning sur Skyrock. Bonjour l'équipe, bonjour Carriole. Avec plein de papiers, Carriole me dit. Bonjour. C'est studieux. Elle fait du rangement. Ah, t'es studieuse, Carriole, range sa place et tout. Romano qui est là aussi. Sam, les Salut. Réseaux sociaux, ils vont se réveiller. Hashtag morning de Difool. Et Karim qui range avec Carriole, mais vous êtes magnifique ce matin. Allez, c'est parti, il est 6h sur Sky. Le petit déj de l'équipe. Difool, jus d'orange, café, protéines, Red Bull, vitamine, coca. Cédric, kebab, beurre de cacahuète, beurre, chips, frites, Nutella, fromage, hamburger. Carriole, thé, salade de fruits, fromage blanc 0%. Menteuse. Romano, rien, ça coûte trop cher le petit déj. 6h-9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. Oui, bon réveil, bon petit déj, bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Vous allez bien, bonjour. Couvrez-vous, salut, salut. Il caille de plus en plus le matin, vous avez entendu dans les infos. Ah oui, il fait froid, Moins 1 degré au Puy-en-Velay, ça y est, les températures négatives arrivent. Et ça va continuer à baisser. En fait. Oui, ça continue. Bon, eh ouais, Romano, de toute façon, il va falloir s'y habituer, on est en octobre. Hein, donc on a encore novembre, décembre, janvier, février. Non mais là, on est en dessous des normales saisonnières, je dirais. Ah, on est en dessous des normales saisonnières. Mais Rémi va nous préciser ça. Oui, non, c'est vrai, on est un peu en dessous des normales saisonnières. Ouais, là, il fait sacrément froid pour un automne. Eh oui, vous avez vu, il n'y a plus de saison. Hein. Ma bonne dame. Ah, ça a bonne lucette. Bien les gens quand ils parlent de la météo. Mais on en parle tous les matins, c'est normal aussi. Hein. Bon, réveil à vous. Bonjour à Le Cium qui vient d'arriver. Bonjour à Ced. Bonjour Ced. Il y a Genos qui se réveille avec nous. Bonjour les nouveaux. Hector. Bonjour Hector. Alex Cortés. Jojo qui est là aussi. Bonjour à vous. Vous nous laissez des messages. C'est juste pour vérifier que ça marchait. C'est bien. Message que vous envoyez au 41. 759 et sur l'appli Skyrock, ça vous servira tout au long de cette matinée puisqu'on vous offrira plein de cadeaux et notamment à 6h20 tout à l'heure la première console, la PS4 à gagner. Petite question que je vous pose, quel est le réveil le plus horrible que vous ayez eu? Je sais pas, par exemple un jour votre mère vous réveille 3 fois et puis au bout de la 4e elle pète un câble et elle arrive avec un seau d'eau par exemple. Bon, elle avait, putain, ça n'aurait pas eu intérêt. Ah, juste Romano mettait le hall là. Ah non mais moi j'aurais gueulé. Pourquoi? Ah ben là c'était un coup, ce que je m'embrouille. Vous savez, avec ma mère j'ai déjà fait la gueule pendant un mois et demi. Eh ouais, pendant un mois et demi, fallait pas le faire chier, Romano. Par contre, quand ton père t'a réveillé avec une torgnole parce que tu es pas allé au résultat du bac, que ça ne t'a pas dérangé, tu lui as pas fait la gueule. Non, j'étais mi-réveillé. Il m'a terminé après. Là, il m'a mis une grosse baffe dans ma gueule. Bon, en même temps, je venais de rater le bac, donc là, c'était compréhensible. Non, tu venais de rater le bac et de pas aller voir et de pas être allé voir les résultats. Ah, mais ouais, non, mais c'est ça. De toute façon, je savais que j'allais pas l'avoir. J'allais pas me lever à je sais pas quelle heure là pour. C'est ce que t'as dit à ton père et donc ça s'est terminé par. Ça, il a pas apprécié. Lui avait été voir à ma place, tu vois. Le pire réveil, oui, il était allé lui. Le pire réveil. Ah, ma mère avait mis Amour, Gloire et Beauté à fond. Ah, je te comprends, Damien, là. C'est Damien qui nous laisse un message. Ah ouais. Pas facile, la vie, hein. Moi, ma mère a déclenché l'alarme incendie de la maison au réveil le matin. Dur pour Bastien. Ah ouais. Là, si, c'est déjà arrivé avec Carriole. C'est, ma mère, à un moment donné, avait une sale habitude. C'est quand elle venait chez nous à Paris. Ce qu'elle faisait, c'est que, bah, elle le faisait pas exprès, mais bon. On se demande des fois. Ah, Carriole, tout ça. Eh oui, les belles-mères, hein. Saloperie de belle-mère, va. C'est-à-dire que, par exemple, le dimanche matin, à 7h, 7h30, elle se mettait à passer l'aspirateur. Bah, elle voudrait être gentille avec gros. Elle. Non, mais je pense qu'elle faisait pas exprès, gros. Ouais, bah, de toute façon, elle a vite arrêté parce qu'un jour, je me suis levé, mais une bête furieuse. Ah, oui. Et je lui ai dit, mais maintenant, faut arrêter, quoi. En fait, vous avez vu, Romano, avec sa mère, c'est bon, il se lâche. Avec son père, par contre, il se tient à carreau. Hein. Je parle d'un réveil horrible, c'est juste pour vous faire écouter quelque chose. Il y a la vidéo, d'ailleurs, qu'on va vous mettre sur tous les réseaux de Skyrock, hashtag Morning Deadly Fool. Pour aller également sur tous les Skyrock FM qui sont sur Facebook. Lié déjà d'ailleurs. Sur Snap, ouais, on va vous la remonter là. Et sur. On parle de la vidéo bien sûr. Oui, oui. Et sur Facebook, sur Snap, sur Insta, sur partout. Écoutez bien, c'est Rémi, tu te rappelles hier matin, Rémi, ta petite sieste d'après l'émission. Ouais. Hein, on vous en a parlé en plus à 9h du matin, vous avez dit. Romano et Sam, ils sont allés réveiller Rémi. Ouais, Rémi, bah, Rémi va aller se coucher parce que vous comprenez bien, il est épuisé après 2h30 de travail. Là, hier, il est tombé, hein. Et pendant ce temps-là, pendant l'émission, il était là, bon, attention, vous travaillez pas trop quand même, les gars. Non, ça va. Et lui, au bout de 2h30, le mec est cuit. Donc, on a un petit local où il y a tous les appareils pour émettre, tout ça, là. Oui. Et Rémi, il a décidé d'en faire sa chambre. C'est-à-dire, il dort même le sol, hein. Bah, vous avez dit, on est dans un appart, il a installé sa chambre dans le local. Comme un animal. Dans un local technique. Dans le local technique, c'est comme ça que ça s'appelle. Non, c'est un appart, hein. Et écoutez bien, donc, Romano et Sam qui débarquent. Dans la petite pièce de Rémi. Ouais, c'est ça, juste derrière. Là, Rémi était couché par terre comme une bête. Un Romano qui vous réveille, ça donne ça. Ouais, Rémi. C'est pas mal comme réveil, ça. Debout. Et vous imaginez quelqu'un qui vous réveille comme ça. Imaginez Romano qui arrive dans votre chambre ce matin et blablabla. On pourrait organiser ça. Je pourrais réveiller des gens dans la France. Bah, pas de problème, Romano. Avec mon mégaphone et ma cloche. Et Rémi, tu dis rien, toi? Moi, je suis un mec calme, apaisé. L'utilité dans le cul. Non, mais total, donc calme, apaisé, mais surtout complètement dans le cul. Hein. Là, en fait, Rémi, il dort avec un bonnet, mais pas un bonnet de nuit, un bonnet de ski. Oui. Non, mais il vient de Brooklyn déjà. On se réveille. Alors, et il dort avec son bonnet, il a tiré son bonnet, il est là. C'est vrai, tu disais trop rien. Je me suis assis sur son corps, il disait rien. Bah, c'est tout léger, Romano aussi. Puis Rémi est confortable. Ah, ça va, un canapé. Oh, bon. Un sofa, quoi. Si on te réveille comme ça, Carriole, Romano, par exemple, ce week-end, décide de te réveiller comme ça, comment tu réagis? Devine. Oh, tu lui fais un bisou, c'est mignon. Une gifle. Karim, tu fais quoi? À ton avis aussi. Oh, tu lui fais un bisou aussi. Je fais un bisou aussi, ouais. Et une patate. Je fais une caresse sur le visage. Ouais. Non, mais Carriole, elle dit, elle fait un bisou, mais je me fais traiter. Je sais, gros. Bon, ben, bien joué, en tout cas, pour le réveil. À la vidéo et sur tous les réseaux de Skyrock, vous pouvez aller la battre. Hashtag Morning de Diffoul Douce dit, oh, non, il me fait ça, je lui rentre le nez dans la tête. J'adore ses réveils. Trop drôle, je fais pareil pour Baba. Ah, Baba, il est content, hein. Non, bah, écoute, pas toi, Baba. Si tu vas réveiller Yo du 33, tu seras pas déçu. Romano, il te saute dessus, lui, direct. Ah, non, mais je comprends, moi, on fait ça, pareil, ça m'énerve. Ouais, tu pètes un plomb. Ah, oui. Bon, réveil à vous, dans un instant, réveil de star. Attention, je parle de réveil pas facile, celui-ci va pas être simple. Hein. Réveil de star avec Philippe Echtebecht. Ouh, le cuisinier. Le cuisinier, toujours énervé. Mais toujours énervé, hein. Ah ouais, mais en même temps, là où on l'envoie aussi, quoi. Ouais, lui, il vous réveille ce matin. Enfin, il va réveiller des restos. On l'a fait cette nuit. Petit réveil de star. Ah, très bien. On a appelé des restos. Comment ça va donner la mise en contact avec Philippe Echtebecht? C'est à découvrir. Et à découvrir avant 6h30, parce qu'il va se passer plein de choses ce matin. On aura les films les plus loués, parce qu'il y a encore des gens qui louent des films. Bah oui, la VOD. Ouais. Par exemple. Ouais, bah oui. Les films qui cartonnent le plus en France, en VOD, vous saurez tout. Et on jouera à l'invité mystère, on aura le temps d'en reparler. Une belle journée à vous et un gros son pour se réveiller. C'est Alonso, mais allons-y. Ouais, hey. Allez, Binta sur Sky. Tous les matins, 6h-9h, c'est le Morning de Diffoul sur Skyrock. consomme les hommes des autres sans aucun remords. Elle a pris du gars en train de chicha en chicha, mais plus dans les blocs. Sa physionomie, elle est plutôt jolie, donc elle surjoue de son corps. Elle te fera pigeonner, pigeonner, pigeonner, pigeonner jusqu'à ta mort. Et tellement t'es con, t'en veux encore. Oui, parce qu'elle est bonne, t'en voudrais encore. Et quand elle déboule sur la piste danse, tout le monde voudrait la follow. Analyse le matos, mon poteau, pour la soulever, faut plus qu'un permis moto. Elle t'a donné soif, tu veux la consommer, consommer son boule, c'est de l'eau. Elle t'a fait trop mal, trop mal, trop mal, trop mal, sous bout. On a quoi de la nuit, c'est une bombe, c'est une kamikaze. J'ai bien capté ses manigances, elle ne m'emmènera pas dans sa douche. Elle voit que le côté finance, un euro tu n'as pas, elle trace sa route. Le smic est resté assez minable, elle cherche des foutes qui posent du lourd. Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent, toi tu veux ta place et tu rêves, t'es fou. Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent, toi tu veux ta place, mon pote, tu rêves debout. T'as gaffé, t'es allé où? Un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. Elle vit la nuit, c'est une bombe, c'est une kamikaze. Soleil de minuit, elle fait tomber les gens sous son blabla. Elle provoque des bagues, car elle est dans le cœur de tous mes scores. Comme Marseille, y'a pas d'âme, on lui veut la pendaison comme ça. C'est Skyrock qui vous réveille ce matin. Eh bien, c'est tant mieux d'ailleurs, hein, d'après ce que je vois. Cédric, son père l'a réveillé façon armée, en tirant le matelas quand il n'arrivait pas à se réveiller. Réveil garanti. En effet, Cédric, du 59. Ah oui, retourner de matelas, ouais. Oui, retourner de matelas. Vous avez le très beau réveil de Rémi d'hier matin. Ah ouais, parce qu'on n'avait pas pu le faire en direct, c'était passé pendant la pub. Ouais. Mais on vous avait quand même réservé des petites images, c'est magnifique. Bon réveil Rémi. Bah merci, ouais. Merci. Mais non, moi ça me fait rien, tu vois, c'est pour ça qu'il peut jouer avec moi. Moi mon père il me réveillait comme un ouf donc. D'accord, bah te réveillais comment ton père? Ah bah il me frappait parce que je voulais pas me lever, il tirait la couette, il me descendait du lit d'un coup. C'est bon à savoir. Oui, ah, il avait raison, j'arrivais pas à me lever. On va t'en refaire un autre bientôt Rémi. Tiens-toi sur tes gardes, attention. Ah bah t'as tous les matins il va se coucher donc. Oui, mais justement on va pouvoir profiter tous les matins. Et un réveil pas facile, le réveil de star de ce matin, il arrive, il est là, c'est Philippe Etchebest. Best, je suis promo. Les stars réveillent la France. Mon nom, Philippe Etchebest. C'est voilà. Le réveil de star sur Skyrock. C'est bien qu'il le prononce. Parce que j'ai pas envie que les gens, ils en pensent que je vais vous dire. Ah bah écoute, c'est dommage parce que là, il y a du monde. Hein. Ah bah oui. Tout le monde va t'entendre ce matin. Philippe Etchebest. Mais il a grossi vénère, non? Réveiller les familles de France. Best. Oui, ah best. Je sais pas s'il a grossi, c'est vrai qu'il a grossi. Pas, non, pas trop. Moi j'ai l'impression que tu vois ce qu'hier, j'ai regardé, j'avais parlé depuis longtemps, il a grossi, il a une grosse barbe et tout là. Et c'est les vieux, c'est-à-dire diff ou des inédits? Inédits. Yo, il est tôt. Non, ça va, je trouve. Ouais, maintenant, il est un peu hipster, il a la barbe. Il est hipster, ça en aura tout vu, tiens. Philippe Estebest est hipster. Bonjour. Bonjour, Philippe. Tu es hipster, dis donc. Ça va? Ça va, ça va, ça va. Est-ce que tu es de bonne humeur ce matin? Ça va, tu veux quelque chose? Tu peux manger ici ou pas? Manger ici, tu peux boire un café dans la cuisine. Tu vas dans la cuisine, tranquille, tu vas voir. Une petite machine à café qui marche pas. ou alors quand elle veut. Mais un petit café, tranquille, tranquille. Vous avez pas de carte? Non, on fait pas restaurant le matin, nous c'est radio uniquement qu'on fait. Tous les plats de la carte sont surgelés. Ah non, on n'a pas de rien de surgelé à part des petites glaces, des choses comme ça. Mais bon, sinon ça ne surgèle pas ici. Non. Si, Philippe Echtebest, et je vais le faire à l'ancienne. Hein. Philippe Echtebest, avec une famille ce matin, la famille, la grande famille de la restauration, qui est mise à l'honneur. Et on va le retrouver dans un restaurant à Marseille. C'est ce qu'on a fait ce matin, là, juste avant l'émission. Le resto à Marseille et Philippe Echtebest. C'est parti. Comment va-t-il être accueilli? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Ce sera plus violent que le réveil de Rémi de tout à l'heure avec Romano et Sam. On va voir. Romain, bonjour. Allô? Oui. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. On peut manger ici ou pas? Ouais. Vous avez pas de carte? C'est à la carte. Tous les plats de la carte sont surgelés. Pourquoi du surgelé? Les avis du client, c'est quand même pas correct. C'est un petit peu trompé le client. Qui c'est, là? Mon nom, Philippe Echtebest. C'est lui. C'est Philippe Echtebest? Oui. C'est quoi le problème? Dis-moi. Raconte à tonton. C'est vous le gérant du restaurant? C'est moi-même. Le restaurant est triste à mourir. Bon, ben viens me voir mon restaurant. Et après, on en discute tous les deux. Enfin, Tu sais, c'est quoi ton problème? Tu veux que je te dise? T'es un peu trop sûr de toi. Il faut que tu fasses attention à ça. Parce que ça peut te jouer des tours. Au lieu de faire un fanfare au téléphone, tu viens devant moi et on en parle. Et donc on fait quoi? On verra si tu es vraiment Philippe Echtebest ou Escabetch, je viens, je te démonte. Là tu vas droit au casse-pipe. Hein. Bah viens, je t'attends. C'est où c'est le Paloma? Je suis là, je travaille, je t'attends. Les défis, ça me fait pas peur. Bah viens alors, je te mets au défi moi justement. Ça va être dur pour toi, hein. Très très dur pour toi. Bah tu sais quoi? Appelle Cyril Lignac, hein, et oui, vous faites une petite partout tous les deux. Eh, hey, faut arrêter les conneries là-haut, faut arrêter les conneries. Putain. Bah, je sais pas, tu bêtes. Bah, appelle Cyril Lignac, et comment il s'appelle l'autre aussi là? Le chauve là, Philippe Constant là. Et vous faites une petite touche tous les trois. Hein? Ça vous dit? Et à un moment donné, moi je viens rigoler de tes arguments et tes questions, mais à un moment donné, je peux rigoler non plus. Arrête le fenouil, hein. Arrête de le fumer. Ou alors mets-toi dans le cul, je sais pas. Génial! Tu l'entends là, le bruit de ma pelle là, tu l'entends? Non. Par contre, si tu viens, tu vas l'entendre, l'appel. Tu vas la prendre aussi. Dans le fion. Voilà, mission accomplie. Ouais. Je suis un homme heureux. Ouais, c'est quoi, regarde? À trois, on raccroche tous les uns, t'as d'accord? Bien 2, 3. Hop là. Je peux partir tranquille maintenant. Eh ouais, bravo Philippe. Bravo. Philippe qui a découvert un nouveau plat, le Philippe Echtebest avec du fenouil dans le cul. Ah ben voilà, c'est pas mal. Tout. Il va pouvoir mettre ça sur la carte. Merci le Paloma à Marseille. On était au Paloma à Marseille. On les a appelés cette nuit avec Philippe Echtebest. Et attention, au Paloma, il n'y a rien de surgelé. Faut pas leur dire, sinon ça les énerve. Hein. Oui. Attention, il n'y a pas que Philippe Echtebest d'M6 qui s'énerve. Philippe Echtebest, le Easter donc. Hein. Ouais, c'est ça. Le Easter en tournée dans toute la France. Eh bien, dans moins d'une heure, dans le morning de Skyrock, il est de retour dans un nouveau restaurant. Attention les restos, Philippe Echtebest, il est là. Il peut venir à n'importe quel moment. La bête est lâchée. 6h16, ouais. 6h16, dans un instant, vous avez votre PS4. Avec un invité mystère à gagner. Et on écoute Hey Mama maintenant. C'est David Guetta. Avec, surtout, Nicki Minaj, l'imposante Nicki Minaj. Attention, elle arrive avec ses quadruples fesses. Oui, elle arrive et elle va bouger. Vas-y, Nicki. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. Yes, I'll be whatever that you tell me when you're ready. Yes, I'll be your girl, forever your lady. You ain't never gotta worry, I'm down for you, baby. Best believe that, when you need that, I'll provide that, you will always have it. I'll be on deck, keep it in check. When you need that, I'ma let you have it. You pick up my drum like I'm Diddy Day. Life is dirty rhythm you play. Be your man. Be morning. Plus I keep the nana real sweet for your eating. Yes, you be the boss and yes, I be respecting whatever that you tell me, cause it's king you be spitting. Oh, best believe that when you need that, I'll provide that, you will always have it. I'll be on deck, keep it in check. When you need that, I'ma let you have it. You beat in my drum like I'm getting day. I love the dirty rhythm you play. Came the truth. My screams is the proof. Them other dudes get the deuce. So I speed in the coupe, leaving this interview. It ain't nothing new. I've been fucking with you. None of them niggas ain't taking you. Just tell them to make a you, huh? That's how it be. I come first like debut, huh? So baby, when you need that, give me the word. I'm no good. I'll be bad for my baby. So I make sure that he's getting his share. Make sure that his baby take care. Make sure I'm on my toes, on my knees. Keep them please, rub them down. Be a lady and a freak. Oh. Sur Skyrock, Nicki Minaj, c'est bien à la pêche dès le matin. Du son pour se réveiller, on aura Designer et Panda, super. Major Lazer et Justin Bieber, super. Les 21 Pilots du MHD à écouter tout à l'heure. Du Drake aussi. Et puis attention maintenant, c'est l'heure du premier rendez-vous avec l'invité mystère ce matin. On va parler cinéma ce matin. Quel est le film, tiens, dites-nous rapidement comme ça, quel est le film que vous amèneriez sur une île déserte? On va parler des films les plus loués en France. Alors, en VOD notamment. Un million de locations pour le. Le plus loué, c'est quand même du monde, hein. Ouais. Un million de locations pour le film le plus loué en France, on vous dira ce que c'est. Mais en un an? En un an, oui. Avec les plateformes VOD de toutes les chaînes de télé, MyTF1, Arte VOD, j'y vais souvent sur Arte VOD, je regarde des reportages. Oh ouais, grave. Quand je suis très intelligent, écoutez, il se la pète, Rémi. Non, hier j'ai regardé Barack Obama, c'est trop bien. Ah, il y a des beaux reportages sur Arte VOD. Mais bon. Arte VOD, c'est payant? Ah bah non. Ah, c'est gratuit, Romano. Non, mais c'est les replays alors. Bah oui. Bah oui, regarde. Mais c'est des replays ou de la VOD? Bah c'est de la replay. Des replays en VOD, Ouais, c'est de la vidéo à la demande. Pas payant sur Arte. Sur les autres, parfois c'est payant. Ouais. Alors, quel est le film que vous amèneriez Les Bronzés, moi. La Cambrioleuse, ça déchire, c'est quoi? C'est un film X, ça? C'est pas possible. Obligé, ouais. C'est un nom de film X, La Cambrioleuse. C'est Papa Cool qui mate ça. La Pirate des Caraïbes. Ah, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour Benz Buena? Qu'est-ce que vous. Les Visiteurs pour Torres. Ok. Blanche-Neige et les Sept Mains, ça c'est un truc de cul encore. Vous êtes très très chaud ce matin, les gars. Hein. C'est Oh la Poisse. Vous entendez les filles dans quel état ils sont, les gars, au réveil? Ah ouais. C'est quand même un truc de fou. Quel film vous amèneriez? Ouais, vas-y. Juste La Cambrioleuse, c'est bien un film de cul avec Clara Morgan. Ah. Ah, les mecs qui connaissent, hein. Clara Morgan. On a des spécialistes dans l'équipe. Hein. Ah ouais. C'est pas mal. Merci Sam. Non, j'ai mon ordinateur, c'est tout. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà, qui est connecté sur le film de cul. L'autre jour, il a allumé son ordinateur. Le truc, il y a des espèces de machins qui se sont allumés. L'écran est devenu bleu. Oui, vous êtes virusé. Vous êtes virusé. Vous êtes virusé. Je fais, t'as regardé quoi avant? Je sais pas, j'ai une sur des sites. Du streaming. Karim, t'amènerais quoi comme film? J'amènerais La Haine, moi. La Haine sur une île déserte. Romano, t'as pas dit? Bienvenue chez les ch'tis, tiens. Ah, je sais que t'hésites entre Les Visiteurs, Bienvenue chez les ch'tis ou Les Bronzés. Je peux prendre les trois. Oh, allez, on t'en laisse trois. Allez, ouais. On va découvrir le classement des films les plus loués en VOD, on va tout vous dire. Mais d'abord, quelqu'un qui joue dans le film qui est le plus loué en France. Qui que c'est? Eh bien, c'est lui, c'est l'invité mystère. L'invité mystère. What? Ouais. Et dès que vous le reconnaissez, vous nous envoyez vos messages au 41-759 ou sur l'appli Skyrock. Il y a du X-Men, il y a du Rasta Rocket, il y a du Deadpool. On vous dira, moi c'est Fantasme Interdit, bien sûr, Bastien, 18 ans, toi aussi t'es chaud. Intouchable. Ouais, il n'est pas dans Fantasme Interdit, je vous le dis, c'est notre invité mystère, c'est lui. Bonjour. Bonjour mon grand. Oh, que c'est mignon. Mon grand, il a vu que j'étais plus grand que toi, Romano. Ah oui. Romano, tu es tout petit. Hein? Hey petit. Ouais. Vous l'avez reconnu? Ah, vous n'avez pas reconnu? Non. Ah, vous n'avez pas reconnu?

you, make you a lot of money. No some killers pull up in the end of baby. CTD, pull off in the killer, baby. Call a filler, fill up, gon' fill it, baby. Look up in the baby, gon' drill it, baby. Fuck, we gon' kill it, baby. Get it. I got broad, yeah, I get it. I got cards, yeah, I shoot it. It's how I live. Did it all for a ticket. I play the bombs when he spinning the Bobby, you trending. Chop the dawn, doing business. In the rave, doing the pool, and I'm doing the billing. I be getting to the chicken, count to the chicken, and all of my niggas, you feel Panda. Panda, panda, panda, panda, panda. I got broads in Atlanta, twisted to lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the links in the banner. Legacy, family. Why is it look like a panda? Going out like a Montana. Honey killers on the hands. Legacy, family. Why is it panda? Packers full. Danny, selling ball, candy. May not the macho like Randy. If the chopper go out for granted, then nigga pull up your band. Hope the killers understand me. Panda, panda. Panda, Skyrock Designer, il est 6h28. En direct de 6h à 9h, c'est le morning de default sur Skyrock. Oui, il est 6h28 et à 6h28, on accueille Fred de Istres. Il est arrivé avec la bonne réponse. Ah, c'était pas facile ce matin, l'invité mystère. Bonjour Fredo. Salut Diffoul, salut l'équipe. Salut Fred, salut. 28 ans dans le 13 et tu as découvert qui c'était lui. Bonjour mon grand. Bonjour mon petit, lui il est tout petit, hein. Romano, il est petit hein, lui. Hein. Ah bah il est maintenant il est quasiment aussi haut que large donc. Oui c'est vrai, c'est vrai. Il grandit mais en largeur, c'est vrai. C'est, il s'épaissit, ouais. C'est qui l'invité mystère Fred? C'est notre ami Christian Clavier. Christian Clavier, c'est et ça. Ouais, vous l'avez trouvé mais ça a galéré. Ah ouais, toi, ça a galéré, ouais. Toi t'étais le premier à trouver la bonne réponse, tu l'as reconnu dès le début toi? Ouais, ouais. Ok. Oh, Fredo, tu mérites de gagner ta PS4 ouais. Slim, la dernière PS4 qui est sortie. Elle est pour toi. Eh bien, on t'envoie à la maison à Istres ce matin. Ça va, c'est cool. T'as loué des films récemment? Moi, les films, je les regarde en streaming. Ouais, les, la même. Sans la les même. Louer. Ça coûte moins cher. C'est quoi le dernier que t'as regardé en streaming? Le livre de la jungle, je crois. Le livre de la jungle. Oh, c'est un bon choix. Film. Ça détend. Le film le plus loué en VOD, puisqu'on a dit qu'on vous donnerait le classement, le voici, le voilà. Eh bien, c'est avec Christian Clavier. C'est Qu'est-ce que t'as fait au bon Dieu? C'est le film dans lequel il joue un raciste dedans. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Raciste? Moi? Bah, je suis républicain et gaulliste comme l'était mon père. Mais bien sûr, bah, ça c'est clair, évidemment. Voilà les premiers. Ça, je te parie 20 euros que c'est le chinois. Ah, c'est le chinois. Ah, c'est chinois. Ah, je suis sûr c'est le chinois. Bon, bah, c'est gagné en tout cas. Bravo à toi, Fred. Oh, super, merci à tous. On t'envoie ça à la maison. Le classement, donc, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? En 1, le 2, c'est les profs 2. Le 3, c'est Intouchable. Ça, c'est les films les plus loués l'année dernière. Ouais. La famille Bélier, le 4. Lucie de Luc Besson, le 5. C'est un film Skyrock d'ailleurs, ça. Les profs, les profs 1. Après les profs 2, il y a les profs ouais. 1 en 6. Super Chondriaque avec Danny Boone en 7. En 8, Infaillissable. Un film américain, le premier. Ouais. Twilight en 9. Et Le Prénom. Ah, est marrant ce film, Le Prénom, c'est drôle ça. Avec Patrick Bruel, ça. Ouais, c'est en 10. Ah, c'est le gosse qui va appeler Adolphe. Oui, il va appeler son gosse Adolphe, il fait ouais, une blague. Après, ouais, c'est tout. Bon, il y a deux films où il y a des racistes. Ouais, les films avec les racistes marchent bien. Hein. Ah, ouais. Ça, vraiment, c'est super. Bravo Fredo, et tout à l'heure on va rejouer avec vous. Nouvelle invité mystère à 8h20, à 7h20 on jouera avec Info Mytho. Et là on met en place la grande opération iPhone 7. Vous voulez votre iPhone 7, il sera gagné 7h20, 8h20 tout à l'heure. Et pour le premier gros cadeau de la matinée, c'est pour toi mon Fredo, bravo Fred. Ça va, merci, allez bonne journée à tous. Et bonne journée à toi Fredo. Ciao. Ciao. Cadeau dans un instant, 1500€ à gagner. J'avais promis qu'on passera juste avant les infos Major Lazer. Allez c'est parti, Major Lazer, Justin Bieber. Tout de suite c'est sur Sky et juste après donc les infos et vos 1500€. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And although time may take us into different places, I will still be patient with you. And I will hope you know I won't let go. Justin Bieber sur Skyrock à 6h33. On écoutait Cold Water. Ça réveille le matin. On va se réveiller dans un instant avec le son des 21 Pilots, MHD, Akelenta. Ça, c'est bon, ça aussi. Hein. Ouais. Avant 7h du matin, du Drake pour se réveiller aussi. Riri sera avec nous tout à l'heure, Rihanna. Mais avant ça, on a plein de choses à faire. Avec, bah tiens, tes conseils pas chers, Romano, on va parler amende dans les transports ce matin. Oui, c'est ça. Dites-nous, tiens, la dernière amende que vous avez pris. Ouais. Ce. Oui. Parce que ça augmente à Paris, ça augmente dans plein de villes de France aussi, les amendes de transport. Ouais, c'est ça. Et par exemple, la RATP a lancé toute une nouvelle gamme d'amendes. Ouais, on en parlait lundi dans le morning. Ouais, là, je vais vous faire un petit bilan. Dites-nous si vous avez échappé une amende dans le train près de chez vous. Voilà. Combien et pourquoi? Ouais, pourquoi aussi, oui. Ouais, et dans un instant, pour vous, 1500 euros à gagner. Inscrivez-vous au 7-20-20, ça peut augmenter vos chances de gagner. Hein. Vous envoyez 1500 au 7-20-20 pour gagner les 1500 euros. C'est juste après les infos de Rémi. Et c'est parti pour l'actu, Rémi. L'actu, le sport. Ouais. Mais d'abord, la météo pour aujourd'hui. Juste un petit truc, ce matin, il fait froid. Ouais, les températures sont bien fraîches. Hein. On est carrément en baisse. Alors, entre 5 et 15 degrés ce matin, c'est négatif pour la première fois, puisqu'on voit un moins 1 au Puy-en-Velay, là, et puis seulement un petit degré du côté de Clermont-Ferrand. Donc, couvrez-vous bien. Cet après-midi, il fera de 14 à 23, 17 en région parisienne. Côté ciel, c'est un petit peu moins bien que les jours précédents. Le beau temps reste vraiment présent, hein, sur une large moitié nord. Mais par contre, cette perturbation qui arrive par le sud aujourd'hui, du coup, grisaille et averse au menu, avec même des orages possibles sur le pourtour méditerranéen et en Corse. Et puis la pollution, c'est nickel, les indices compris entre 2 et 4 partout. Et le point sur l'actu tout de suite, c'est parti. Et les températures en baisse justement, souvent synonyme d'apparition des petites maladies contraignantes. C'est bientôt reparti pour les rhumes, les angines, les grippes, les toux ou encore les gastro. L'occasion pour les médecins de rappeler quelques petits conseils histoire de tenter de les éviter. Pensez par exemple à bien vous laver les mains régulièrement afin de limiter la propagation des microbes. Le système immunitaire a aussi besoin d'efforts physiques pour se maintenir. Et oui, une demi-heure de sport par jour et plébiscité, tout comme une alimentation équilibrée et un bon sommeil réparateur, donc de qualité. Enfin, il y a une carence qu'on peut parfois avoir en hiver et qui est très importante pour être en bonne santé, c'est la vitamine D. Comment on peut l'avoir? Eh bien, en restant tout simplement au soleil le plus longtemps possible. Très bien. Bah, il faut en avoir déjà. Il faut en avoir, mais aujourd'hui, on en aura. Voilà, profitez. Enfin, pour certains. Oui, si vous en avez. Alain Juppé qui accentue encore son avance sur Nicolas Sarkozy. Selon un sondage Harris publié aujourd'hui, le maire de Bordeaux prend un bon bol d'air frais à un mois et demi du premier tour de la présidentielle, de la primaire, pardon, de la droite et du centre. Il est crédité de 39% d'intention de vote contre 35% en faveur de l'ancien président. Reste à savoir qui seront les votants. François Fillon a appelé hier tous les électeurs à s'exprimer, qu'ils soient de gauche ou de droite. De violents affrontements hier soir en Corse. Ils sont opposés, des jeunes nationalistes, aux forces de l'ordre. Ce qui n'était au début qu'une simple manifestation s'est vite transformée en guérilla urbaine. Les heurts ont éclaté à Bastia, conséquence d'un procès qui se tient bien loin, à Paris, et qui implique 3 membres d'un mouvement indépendantiste. 4 policiers ont été blessés. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, condamne avec la plus grande fermeté des violences qu'il estime inacceptables. Antonio Guterres, bientôt à la tête des Nations Unies. L'ex-premier ministre portugais va succéder à Ban Ki-moon. Il a obtenu le feu vert du Conseil de sécurité il y a quelques heures. Il sera officiellement élu secrétaire général de l'ONU en janvier prochain. L'accord de la COP21 en vigueur dans 30 jours, annonce faite par la ministre de l'écologie Ségolène Royal. Il fallait que le texte adopté en décembre à Paris soit ratifié par au moins 55 pays qui représentent à eux plus de la moitié des émissions mondiales de gaz à effet de serre. C'est chose faite, hein, puisque 72 pays ont signé l'accord. Une journée historique pour notre planète et les générations futures, selon Barack Obama. L'objectif, vous le savez, est de limiter à moins de 2 degrés le réchauffement climatique. Ah, ça marche pas? Bon, alors du foot et des matchs internationaux ce soir à suivre. C'est bien sûr les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2018. La France continue son entraînement à Clairefontaine autour de Didier Deschamps. Les Bleus affrontent la Bulgarie demain soir. D'ici là, pas mal de matchs à suivre, dont un très très intéressant Italie-Espagne. Ce sera à 20h45. Bon, on en reparlera, ça y est, mon micro, il fonctionne. Ah. Merci, j'étais censuré il y a un instant. La censure guette, attention. Merci Rémi pour les infos, on te retrouve dans une demi-heure. À tout à l'heure, il est 6h37. check. Dès 6h. C'est que le début, oui. Ils sont déjà en pleine forme. C'est des conneries à la radio. C'est le morning de Difool sur Skyrock. Des conneries, mais pas que, puisque ce matin, on a plein de choses à faire. Dans un instant, on parle amende. On va vous prévenir. Attention, les amendes augmentent. Et je prune. Et ils prunent dans les transports ce matin pour les amendes. Attention, les amendes arrivent. L'horoscope de l'amour. Ah, on va voir si on a une belle journée qui nous attend. Et puis, j'espère que vous avez fait de beaux rêves. Je vous dis ça quand on va parler des rêves dans le sondage du morning ce matin. Tous les matins, juste avant 7h, le sondage du morning. Les rêves les plus fréquents chez les Français. Et j'aurai peut-être même leur signification. Si vous avez rêvé un truc, je peux te faire interprète des rêves. Oh, merci, Difool. Est-ce que tu as rêvé cette nuit, Romano? Non. Non. Carriole? Pas cette nuit-là. Pas cette nuit, tu as rêvé la nuit d'avant, c'était à moi, non? Ah oui, toujours. Ah, mais c'est sûr, le lit était trempé. Oh, mais ça m'étonne pas. C'était à moi, alors. Ouais, c'est ça. C'est ouais. Bien toi. Karim, t'as rêvé cette nuit? Non. Karim, il se rappelle pas de ses rêves. Jamais. Ah ouais? Ouais. Jamais. Ouais. Jamais. Et quelle mémoire. Et bien les rêves, on en reparle d'ailleurs. Si vous avez fait un rêve cette nuit, vous nous laissez vos messages au 41759 et sur l'appli Skyrock. On en reparlera, promis, avant 7h du matin. Donc conseil pas cher, horoscope et puis sondage du morning. Mais avant ça, vos 1 500 € à gagner. C'est parti en direct, premier coup de fil de la matinée, toutes les demi-heures, 1 500 € si vous répondez Skyrock. Comment gagner 1 500 € en moins d'une seconde? Skyrock. En répondant Skyrock. Morning show. 1 500 € si vous répondez Skyrock comme tous les matins, et on va féliciter nos gagnants d'hier. Un garçon, une fille. C'est bien parce que lundi c'était 100% fille. Mardi 100% garçon. Ouais. Et hier 50-50. C'est plutôt pas mal. On va voir ce que ça va donner aujourd'hui. Qui est-ce qu'on va appeler, le premier ou la première? Et dans l'enveloppe, 1 500 € pour... Quel suspense. Un nordiste ce matin. Tu croyais que c'était toi, Romano? Il a passé la nuit à s'inscrire. Ouais, on sait jamais, j'attends moi. C'est normal, t'es pas rêvé. Hein. 1 500 € à Lille. Si vous nous appelez, si vous vous appelez Brigitte, eh bien sachez qu'on va peut-être vous appeler ce matin. Brigitte. Brigitte Galliou. Bonne chance au Galliou, bonne chance à Brigitte, bonne chance aux Lillois. Et 1 500 € tout de suite. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, madame Galliou. Oui. C'est Brigitte. Oui. Ah bah salut Brigitte, dis donc. Ouais, Brigitte. Comment ça va, Brigitte? C'est la radio, Brigitte. En direct à la radio, dis donc. Eh oui. Eh oui. Ah. En direct à la radio, et on t'appelle pour t'offrir 1 500 €. Dis-lui que c'est la radio, il veut savoir c'est qui derrière. C'est ma petite fille. Oui, ça, oui. Mais oui, mais elle veut savoir qui c'est. Elle te fait c'est qui? C'est qui? C'est la radio. La radio. Eh oui. Bon, Brigitte, on va te demander quelle est ta radio préférée. Si t'as la bonne réponse, tu gagnes 1 500 € parce qu'on t'appelle pour t'offrir des sous ce matin, Brigitte. Alors, alors, Gigitte, quelle est ta radio préférée? Alors, Brigitte. Brigitte. Alors. Quelle radio? Eh bien non, Brigitte, c'était Skyrock au téléphone. Ah non, je pense pas. Ah bah si, moi je suis. Ah si, si, si, bah, ça, je t'assure, on est bien on sur Skyrock. On sait quand même à peu près qui on est. Oui, on va mettre un jingle, tu vas voir. Ah non, vous n'êtes pas Skyrock, je vous le dis. Ah bah, on est bien à Skyrock. Oui, ouais. Skyrock, il y a les logos. Et si, il y a des logos avec l'étoile partout là. Il y a tout. Bon, Brigitte, t'aurais répondu Skyrock, t'aurais gagné 1 500 €. Eh ben tant pis. Eh ben, ce sera pour la prochaine fois. T'embrasses la petite derrière. On te fait du bisou aussi. Bonne journée à toi. Bonne journée. Merci. Brigitte. Et dans une demi-heure, on recommence. Au revoir. Au revoir, Brigitte. Brigitte et 1 500 €, c'est pas pour elle. Par contre, peut-être pour vous. Tout à l'heure, le rendez-vous, le prochain, c'est dans une demi-heure. Vous répondez Skyrock et c'est dans la poche. Le morning de Difool sur Skyrock. Le morning qui fait. Des réveils. I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, oh, oh. Taking my time on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling. So I'm taking my time on my ride. You, that's easy to say. We have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man. But literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignore them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Oh, oh, oh, oh, oh. taking my time on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. I'm on my ride. Ride, les 21 Pilots sur Skyrock à 6h43. C'est bien, Romano, il arrive avec sa liste d'amendes ce matin. Les amendes dans les transports, ça augmente dans plein de villes de France, ça augmente en région parisienne. La RATP a dégainé début octobre plusieurs nouveautés. Ah, il y a de la nouveauté. Ah, c'est génial. Vive la nouveauté. Mais alors, plusieurs nouveautés en termes d'amendes, c'est pas super. Ah ouais, puis il y en a pas qui, là, ils ont travaillé. Hein. Alors, Romano, dis-moi des trucs et je te dis si je l'ai déjà fait dans un transport. Alors, est-ce que tu n'as déjà pas validé ton abonnement à l'entrée? Non, parce que j'ai pas d'abonnement. Ouais, bah, c'est. Quoi, l'abonnement au ticket, hein. Ah, au ticket, non, j'ai toujours validé, moi. 5 à 35 euros d'amende. Ah ouais, donc j'ai bien fait, en fait. Est-ce que t'as déjà voyagé sans billet? Ouais, une fois j'ai pris le train parce que j'étais à la bourse, j'ai pas eu le temps de prendre un billet, j'ai payé à l'intérieur. Ah bah là, c'est 50 euros d'amende. Ça, c'est pour la RATP, hein. Ah ouais, d'accord. Est-ce que t'as déjà uriné dans le wagon? Bah, régulièrement. Eh bien, c'est 60 euros. Ah, je ferai attention la prochaine fois, alors. Non, mais alors, si je comprends pas. Alors, est-ce que t'as déjà oublié ton sac? Non, j'ai une copine qui a oublié son sac, elle a pleuré pendant 3 jours. Eh bien, oublier son sac, maintenant, c'est passible de 60 euros d'amende. Ah ouais, donc si en plus, t'as perdu. Alors, ouais, déjà, ouais. Edune, t'as tout perdu. Mais deux, il te. Bam, il te matraque la gueule, 60 balles. Tu vas aux objets trouvés de la RATP ou, je sais pas, des transports, de la SNCF, tout ça. Tu leur dis, moi, j'ai perdu mon sac. Espèce de con, tu vas te mettre 60 euros d'amende. Non, parce que souvent, ça déclenche des alertes, tu sais, à ton. Et c'est obligé de faire venir les démineurs et tout vrai, ça. Ouais. C'est vrai. Parce que, ouais, maintenant les gens ont peur. Bon, c'est normal aussi, quoi. Non, moi j'ai jamais oublié mon sac. Alors, est-ce que tu as déjà circulé en patin à roulettes, scooter, segway, skate dans les couloirs ou même dans le métro lui-même? Oui, oui, en skate et en patin à roulettes. 60 euros d'amende. J'avais un skate sur le pied droit et puis l'autre jambe, je l'avais mis sur un patin. Ouais, ça c'est classe. 60 euros aussi, ça coûte. Ouais, alors rester dans le métro après le terminus, c'est-à-dire, ça m'est déjà arrivé, tu te retrouves au garage, tu t'endors. Ouais. Et ben maintenant, c'est 60 balles. Ça t'arrivera plus jamais, Romano. Ça. Non, c'est clair. Sur... Mettre les pieds sur la banquette, 60 balles aussi. Bon, je l'ai fait à la SNCF dans les trains quand tu voyages un peu de nuit ou le soir et que ouais bah seul. C'est clair, ça fait du bien des fois, en plus t'as pas trop de place, c'est comme un lit. Ouais, c'est vrai, ouais. Transporter un objet gênant, c'est 60 euros. Ouais, je suis déjà allé avec Cédric. Dans les transports avec Cédric. Ouais, c'est terrible. Oui, oui. 60 euros, fumer, 68 euros. Bon, eh ben voilà. En fait, ils sont bien, ils ont mis les amendes entre 50 et 70 euros à peu près. C'est non, mais alors, attends, le problème, c'est que transporter un objet gênant. Mmh. À Paris, maintenant, tu n'as plus le droit d'utiliser la voiture. Oui. Bon, merci, Anne Hidalgo. Les vieux camions n'ont plus le droit de se déplacer. Oui. Et transporter un objet gênant. Mais alors, tu par exemple, t'achètes un meuble, tu l'amènes comment chez toi? Tu te démerdes. tu te démerdes. T'appelles la maire de Paris, Anne Hidalgo, et elle te file un coup de main, te prête sa voiture avec chauffeur. Je sais pas, tu vas à Conforama, tu travailles avec ton canapé sur le dos dans les rues. Je l'ai dans le pif, la maire de Paris, Anne Hidalgo, avec ses trucs sur les transports. Je salue les Parisiens qui essayent de circuler dans Paris ces temps-ci, c'est vrai, c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile dans plein d'autres villes de France, notamment le matin. Je salue les Lyonnais qui galèrent pas mal, les Toulousains aussi. Ça bouge pas mal à Toulouse. Et du côté de Marseille, ça bouge bien, bien, bien aussi. Il y a Bordeaux aussi, a priori, à Bordeaux, c'est toujours le bordel là-bas. Toutes les villes de France où ça bouge le matin dans le Nord, ça bouge bien aussi sur le périph' du Nord. Là. Bon, alors Romano, ce matin, ça t'a donné une superbe idée. Cette truc d'amende, ça t'a excité, hein. Ah ouais, je vais mettre des amendes, mais j'ai mon carnet d'amendes, il est là. Regardez-le. Et je compte bien le vider en quelques appels. Je suis sûr qu'il y a des contrôleurs qui sont comme ça le matin, ils se réveillent. Ouais, je vais les brûler. J'ai envie de m'en faire quelques-uns ce matin. Eh bien, fais-toi plaisir. Allez, les conseils pas chers. Tu cherches ton portefeuille? Regarde dans les poches de Romano. Les conseils pas chers sur Skyrock. Oui, les conseils pas chers, on y va, on va chez qui? Bon, chez Gilles. Là, je mets des amendes mixtion sur la voie publique, étant donné que je sais pas si les gens prennent les transports et on appelle dans toute la France. Ils ont fait pipi sur la voie publique. Exactement, j'ai la preuve sonore. Allô, oui. Le salaud. Oui, bonjour. Monsieur ? Oui. Gilles ? Oui, Gilles. C'est bien vous ? Monsieur Bécard, oui. Oui, bonjour Monsieur Bécard, comment bonjour. Allez-vous ? Ça va bien, oui. Ça va bien, je me permets de vous appeler. On a détecté une miction sur la voie publique de votre part sur les caméras de vidéosurveillance. Une ? Vous avez en gros uriné sur la voie publique, monsieur. J'ai quoi ? Uriné, pissé, pipi, faire pipi. Oh, arrêtez vos conneries. Ah, bah vous, écoutez, si, monsieur, j'ai la preuve sonore, écoutez. Ça, c'est vous en train d'uriner sur la voie publique. Vous avez un gros tube. Hein. Putain, le mec, c'est un tuyau d'arrosage qu'il a entre les jambes. Ah, il est pas content, Gilou. Et Gilou est bien monté. Hein. Ah ouais, Gilou. Gilou. Un sacré tuyau, quoi. Bon, on remercie Gilles. Bon, pas d'amende pour Gilles. Il est parti trop tôt. Allô, José. Allô. Oui, bonjour, c'est José. Oui, oui. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Monsieur Lapince, du commissariat central. Oui. Oui, je me permets de vous appeler aux caméras de surveillance. Nous avons détecté de votre part une miction sur la voie publique. Vous savez ce que c'est ? Comment ? Vous avez uriné sur la voie publique, monsieur. Vous savez que c'est interdit. Ah ben, je vous garantis, j'ai la preuve sonore, monsieur. Ouais. Putain, ouais. Allez-y, allez-y. Vous avez un gros pipi ce jour-là. Hein. Ouais. Vous avez une grosse bite, vous. Hein. Ouais, ouais. Ah, non, c'est ce qu'on peut faire. Eh bien, écoutez, pour la peine, je vais vous mettre 60 euros d'amende. C'est cool. Bon, c'est cool. Je peux faire encore, je trouve que c'est un peu léger parce que par rapport à la bite, c'est un peu. Ah, c'est vrai. Léger. Bah, écoutez, ouais. Ce qu'on va faire, c'est que je vais venir la mesurer et je vais vous faire un tarif au centimètre. D'accord. Combien au centimètre ? Rassurez-moi, vous n'êtes pas homosexuel. Non, mais bon, si vous voulez, je peux l'être pour vous, hein. Ah non, j'y tiens pas. Bon, je vous mesurerai l'engin. D'accord. Et à ce moment-là, je ferai une multiplication suivant le nombre de centimètres. 15 centimètres, on montera à 300 euros. Hein. Ça sera 20 euros du centimètre. Ah, quand même. D'accord, c'est cool. Bon, je passe vers 7h30. Ouais. Bah, je préférerais... 8h si ça vous dérange pas. 8h, le temps ouais, que tu... Voilà, le temps que tu te laves le sexe, ça m'arrangerait. Oui, voilà. Pour le mesurer, ouais. Faut que ce soit propre. Hein. Ah bah oui, c'est important. Et tu le prépares pour qu'il soit en forme. Ouais. Bon bah je te dis à tout à l'heure, José. Ouais, tout à l'heure. Le commissariat central te remercie. On t'embrasse, José. Rompez les rangs. Ouais, merci José, à tout à l'heure. C'était rien. José, son gros tuyau. Ah ouais, gros zizi. Salut José, gros vivi vové. Dans un instant d'une minute, tiens, l'horoscope de l'amour, il arrive, hein, pas attendre longtemps. L'horoscope, plus du son pour se réveiller, MHD ce matin. Et le sondage du morning qui concerne nos rêves. Vous avez fait des rêves cette nuit ? Qu'en racontez-nous, dites-nous au 41759 et sur l'appli, on en reparle tout de suite. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron ? Bon, alors cette foire au poisson Lidl ? Eh ben elle va vous emboucher un coin. Hein. En ce moment, les moules de bouchot IGP Origine France sont à 4,99€ la barquette d'un kilo 4. 4,99€ les moules de bouchot chez Lidl ? Moins de 5€ ? C'est ça, oui. Ah, vous êtes vraiment bouché patron. Hein. Ça nous fait du 3,56€ le kilo. Et là, sûr qu'ils vont déplacer les foules avec ces moules. Là, tu me saoules, hein. On est vraiment mal. Oh. Très moule, oui. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Offre valable jusqu'au samedi 8 octobre. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Il y a des prix qui vous font dire... Non, c'est pas grave. Avoir froid, c'est bon pour la circulation, alors. Et il y a les prix Leroy Merlin. Jusqu'au 17 octobre, 15% de remise sur les radiateurs Équation à partir de 3 radiateurs achetés parmi les gammes Virtuoso, Alidea, Lirao et Esus. Garantie des pièces électroniques pendant 3 ans, incluses. Chez Leroy Merlin, les prix vous font dire... Là, je suis sûr de faire le bon achat. Leroy Merlin, et vos envies prennent vie. Hors promotion et commande en cours, panachage possible. Et attention, l'horoscope, il arrive, il est là. C'est parti. Vas-tu avoir une bonne note ce matin ? L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Les puissances amoureuses de tous les signes, les voici. On commence par les Vierges et les Gémeaux. Vous avez 0 aujourd'hui. Petit conseil pour vous, les Vierges et les Gémeaux, pour essayer d'améliorer votre journée. N'essayez pas de changer les autres. Prenez-les tels qu'ils sont. Et ne vous fatiguez pas pour rien. Vous ne les changerez pas. C'est 0 pour aujourd'hui. C'est les Vierges et les Gémeaux. 1 sur 5, ça monte. Pour les Taureaux et les Lions, vous êtes un petit peu susceptibles. Ne prenez pas une petite critique comme une attaque personnelle aujourd'hui. Relativisez, ce sera mieux. 2 sur 5, les Sagittaires et les Poissons. Tenez vos promesses ou alors ne faites que des promesses que vous pouvez tenir, sinon ça va vous retomber dessus. Bon. Sagittaire, Poisson, c'est 2. 3 pour les petits Verseaux et les Poissons aussi. Vous serez diplomate, vous saurez créer l'harmonie dans vos relations. Oh. Waouh, l'harmonie grâce à toi, Romain. Waouh. 3 sur 5. 4, les Cancers et les Balances. En couple, votre partenaire va céder sur vos petits caprices aujourd'hui, donc faites des caprices, profitez-en. Et les célibataires, sortez, allez vers les autres et vous verrez, vous ne serez pas déçus. Et 5 sur 5, les meilleurs, les béliers et les capricornes. Comme mais comme toi, dit Foul. En effet, 5 sur 5 sont surtout jaloux, vous avez vu. Ah oui, excellente forme physique et mentale aujourd'hui, en ce jeudi. Vous ne passerez pas inaperçu, bah c'est super, on en profite. Les Capricornes et les Béliers, dans un instant, les rêves que vous avez fait cette nuit ou récemment, vous nous dites. Sébastien rêvait qui caressait le crâne chauve de Romano. Oh, c'est rigolo, c'est ça. Mignon. Ouais, et le nez de Difool. Il a mis aussi. Ouais, aussi. Ah, j'avais pas vu. C'est la suite du message. Ah ouais, j'ai pas vu Sébastien. Bon, vos rêves, et on en reparle tout de suite. On s'occupe des rêves érotiques des Français. C'est le sondage du morning. Il arrive tout de suite après MHD. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. Ah, c'est plus qu'un pote, c'est devenu un frère. Quand je marche avec lui, pas rien ne m'effraie. On a vécu des choses qu'on peut pas citer. Entre nous, pas de langue de bois, pas de secret. On n'a pas changé, les années sont passées. Certains nous ont lâchés. On s'est promis d'être soudés jusqu'au bout. Tu l'as choisi, vous deux, c'est l'amour fou. Tu connais sa famille, elle connaît la sienne. Dans les moments durs, elle partage ta peine. N'aie pas d'inquiétude, t'es sa première et dernière. Accroche-toi, le bonheur t'appelle. Ah, ce soir c'est ton jour, la noce fait démarrer. On est tous dans la foule, tout le monde est présent. Personne ne veut rater ça, des petits au grand. La famille au complet, je vois le bonheur dans vos yeux. Nul ne pourra le retirer. Ce moment restera gravé dans ma tête. Des super qu'on pourra se partager. La première naissance, la vie de famille se construit. Elle t'a donné sa confiance. Forcément, il y a des hauts et des bas. C'est qu'une étape à franchir, cousine, tu sais. N'écoute pas les gens, tous les hommes sont pas pareils. C'est qu'une légende. Si tu l'aimes, c'est réciproque. Je le connais par cœur, c'est quand même mon pote. Je vois son sourire quand il passe la bague au doigt. Ça me fait plaisir, ça me fait rêver. Tout le quartier s'est déplacé pour toi. Ton histoire ne fait que commencer. Ah, ce soir, c'est ton jour. La noce va démarrer. On est tous dans la foule. Tout le monde est présent. Personne ne veut rater ça. Des petits au grand. La famille au complet, je vois le bonheur dans vos yeux, nul ne pourra le retirer. Ce moment restera gravé dans ma tête, et super qu'on pourra se partager. Hier soir, j'ai oublié de le passer dans la radio libre, tu te rappelles hein. Eh ben, je l'ai eu maintenant. Eh ben oui, tu vois, c'est bien d'avoir deux émissions par jour. Non, mais il y avait aussi Niska et Maître Gims que je voulais hier. On te le mettra, promis, avant ce soir. Il passera dans la journée. Ah bah, c'est gentil. Sur Skyrock, promis, reste à l'écoute de Sky. Je ne dormirai pas de la journée pour l'écouter. On parle des rêves ce matin. Il y a plein de rêves que vous nous avez laissés. On va essayer de traduire tout ça. Qu'est-ce que vous avez fait comme rêve? J'ai rêvé que je tuais ma sœur et que je cherchais un endroit où la cacher. Le congélateur, Roms. Tout dépend son âge et la taille du congélo. Ouais. Mais sinon, c'est pas mal, Roms. Bonjour à vous qui vous réveillez, qui avez fait de beaux rêves cette nuit. On va parler des rêves érotiques des Français. Les trois premiers rêves érotiques des Français, je vais vous les donner tout de suite. Et puis j'essaierai d'interpréter vos rêves, parce que j'ai tout un petit bouquin là sur l'interprétation des rêves. Non, parce que tu t'y connais grave. Et que je suis rêvologue. T'as pas besoin de bouquin. Donc. Rêvologue, 4 années d'études. Ça m'intéresse, moi. 4 années de rêvologie j'ai fait. Et ça, c'est quand même la classe. C'est impressionnant. Alors, les trois rêves érotiques des Français, on les découvre tout de suite dans le morning. C'est le sondage du morning. Le sondage du morning de Difool sur Skyrock. Oui, oui. Ah, oh, c'est les rêves. Alors, de quoi rêvent les Français la nuit? Vous allez le savoir tout de suite sur Skyrock. Commençons par le troisième rêve érotique le plus fréquent la nuit chez nous, les Français. Numéro 3. Chercher ou faire l'amour dans un endroit avec un partenaire ou une partenaire. Ouais. Donc c'est votre chérie, elle est dans votre rêve et vous êtes en train de faire l'amour, ou alors vous cherchez un endroit pour faire l'amour. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Ça signifie qu'il y a des... T'as envie de faire l'amour, non? Non, pas du tout. Ah, ça signifie qu'il y a des problèmes de connexion dans le couple. Ah. Ou alors que vous n'avez peut-être pas passé depuis un petit moment un vrai moment intime avec votre chérie. Ou alors que vous êtes trop préoccupé, parce que tout ça peut influer sur la

more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. One Dance Drake, on parlait des rêves érotiques. Et bah tiens, on salue Catherine qui a rêvé qu'elle couchait avec Drake. Ça tombe bien, on vient de l'écouter, Catherine. Ouais. Tu vois, t'as rêvé à lui cette nuit. Je sais pas si c'était cette nuit, mais en tout cas, t'as rêvé déjà à lui. T'as rêvé à lui et Skyrock te réveille avec. Magnifique, on poursuit ta nuit de rêve. Ouais. Catherine. Que c'est beau. Il va te falloir te réveiller maintenant. Ouais. Je fais interprétation des rêves que vous nous avez laissés. On va en prendre quelques-uns. C'est 50 euros par personne. Ah, Romano, toi, tu fais payer. Je savais pas que je suis ta secrétaire. Très bien. Oh, je nomme Romano secrétaire de l'émission. Très bien, très bien. La secrétaire pour ton cabinet des rêves. Wow. Le cabinet des rêves, on l'a ouvert il y a le un instant. Le cabinet des rêves va ouvrir. Tous les matins, juste avant 7h, on fait le sondage du jour. On a découvert les trois rêves érotiques les plus fréquents chez les Français. Eh bien, on va faire vos rêves érotiques à vous. J'ai l'interprétation. Bah, on fait ça dans un instant, juste après les infos et juste avant les 1500 euros qui arrivent. Il est 7h02. C'est l'heure d'en trouver Rémi tout de suite. Ouais. Le rêve. Oui, le rêve continue. Oui, le... oui, je trouve. The dreams comes true, comme ouais. On dit. On prépare yeah. Rihanna, Calvin Harris. On aura Fetty Wap aussi. Écoutez, ah, super Fetty Wap. Rappeur américain, on adore lui. Il a qu'un œil. Il est super. Et Soprano. C'est pas pour ça qu'il est super, mais on aime bien. Soprano à écouter aussi avant 7h30, mais tout de suite l'actu et le sport. Mais d'abord, votre météo pour aujourd'hui. Eh ben, c'est un petit peu moins bien quand même que les jours précédents. Le temps reste ensoleillé presque partout, mais là, cette perturbation qui est arrivée hier va envahir le sud aujourd'hui et au menu du coup de la grisaille, des averses et même des orages possibles sur le pourtour méditerranéen en Corse en fin de journée. Les températures bien fraîches ce matin, entre 5 et 15 degrés négatifs au Puy-en-Velay, moins 1 degré ce matin, seulement un petit degré à Clermont-Ferrand. Et plus de 14 à 23 cet après-midi, 17 en région parisienne. La pollution nickel, les indices compris partout entre 2 et 4. Et le point sur l'actu, c'est parti. Actu et sport, on va tout savoir en 2 minutes sur Sky. La durée de vie humaine a-t-elle atteint ses limites? Eh bien oui, selon plusieurs scientifiques qui se sont penchés sur la question et qui viennent de publier une étude, il apparaît peu probable que notre corps nous permette de vivre aussi vieux que Jade Calment, ça on le savait, ou tout du moins jusqu'à 105, 115, 120 ans. L'espérance de vie n'a pas cessé d'augmenter au cours du siècle dernier, mais on semble arriver au bout du chemin, ça y est. Reste tout de même un espoir, l'avancée de la médecine. Les chercheurs estiment qu'il faudra modifier notre code génétique dans le futur pour prolonger notre vie. Un règlement de compte qui glace le sang au Blanc-Ménil en région parisienne. Un homme d'une trentaine d'années a été tué par balle hier après-midi. Il se trouvait dans un restaurant quand le tireur a fait irruption et donc a tiré à vue sur la victime. Le meurtrier a pris la fuite en scooter avec un complice. Une enquête a été ouverte. La victime était originaire de Drancy. Une belle prise de la marine nationale. Les militaires ont saisi 120 kilos de drogue hier en mer des Caraïbes. Ils sont intervenus après un go-fast et un rendez-vous avec un navire de pêche vénézuélien. L'équipage a jeté pas mal de stupéfiants par-dessus bord avant de prendre la fuite à toute vitesse. Depuis le début de l'année, plus de 3 tonnes de drogue ont été saisies dans la zone maritime des Antilles. Les États-Unis qui se préparent à l'arrivée de Matthew, ce sera la nuit prochaine. L'ouragan le plus puissant dans la région depuis une dizaine d'années s'est déjà abattu à Haïti. Le bilan fait état de 23 morts. Bilan encore très provisoire car une partie de l'île est encore coupée du monde. Il y a aussi des disparus. Les élections présidentielles et législatives ont d'ailleurs été reportées. C'était prévu pour ce dimanche-là. D'ici là, 4 États du Sud-Est, dont la Floride, sont en état d'alerte maximale. Toutes les villes côtières ont été évacuées. On parle du PSG maintenant. Le PSG sur une nouvelle piste. Ouais. Paris qui s'y prend une bonne heure avant le mercato d'hiver. C'est comme ça qu'on fait quand on est moyennement satisfait du précédent marché des transferts qui, il faut le dire, a laissé un goût d'inachevé. C'est Unai Emery qui a la main désormais et il va sûrement continuer d'aller piocher allègrement en Liga. Dernière piste en vue, le Basque Oscar de Marcos qui évolue à l'Athletic Bilbao. Un joueur polyvalent, capable d'occuper tout le couloir droit mais qui ne joue pas en sélection nationale. Seul problème, Chelsea est aussi sur les rangs et la clause libératoire est de 40 millions d'euros. Est-ce que ça va dissuader Nasser Al Khelaifi de signer le chèque? Eh bien, on verra dans quelques semaines. Eh bien, on vous tient au courant. Merci Rémi pour les infos. Ouais. On parle foot tout à l'heure. Avant 8h du matin, on vous offrira vos places pour France-Bulgarie. Petite question foot, tenez-vous prêts. À 8h05, on jouera tout à l'heure. Là, il est 7h06. Eh bien, c'est l'heure de vous offrir de l'argent. Et j'interprète vos rêves ce matin. Oui. Salle de bain de l'appart. Difool. Difool. Sous ma douche. Romano. Romano. Et les conseils pas chers. Carriole. Libéré. Oh non. Délivré. Oh non. Cédric. Ah bah non, lui, il prend pas de douche. Le morning de Difool sur Skyrock. Tu ouais. peux couper l'eau, s'il te plaît? Merci. Bonjour à toutes les salles de bain qui se réveillent avec Skyrock ce matin. Salut les salles de bain. Bonjour. Bon réveil et bonne journée à vous. Merci d'être là sur Sky tous les matins et merci pour tous les messages que vous nous envoyez. Oh, il y en a eu du rêve érotique là. J'en vois plein, plein, plein. Vous voulez que je fasse une petite interprétation de vos rêves érotiques? Ouais. Oui. Alors, demandez-moi ce que vous voulez. Tiens, j'ai Casper qui laisse un message. Casper, 19 ans dans le 69, qui a rêvé qu'il faisait l'amour avec son ex et le matin il était tout mouillé. Oh. C'est mignon le Casper. Ah, ça dégoûte. Si vous rêvez de votre ex, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un vous a peut-être parlé d'elle, ou alors que la date de son anniversaire approche, ou que vous avez lu un truc sur les réseaux sociaux sur elle. Romano, je me retourne vers toi et je vais te poser une question, la question que tout le monde attend. Ah, Romano est parti. Ah ouais, c'est con parce que je voulais lui demander s'il avait déjà rêvé à sa érotique et à sa gothique, gothique. Érotiquement bien sûr, à sa goto érotique. Non, mais jamais de façon érotique ou de dégoût non plus. Non plus. Alors, jamais. Ça veut dire, bon, les raisons peuvent être multiples, restez calme, ça ne signifie pas que l'amour de, que c'est elle l'amour de votre vie alors qu'elle est partie et que vous avez envie de vous remettre avec elle. C'est juste, juste une petite, petit truc comme ça, mais pas grave, ne vous inquiétez pas. Bon, bah tant mieux. Tu ne recoucheras pas avec ton ex. Je dis ça pour Casper qui nous a laissé un message. Un autre rêve érotique, tiens, Ryan, t'as bien fait d'envoyer un message. Ryan du 92, j'ai rêvé que je faisais l'amour dans le gymnase du lycée, mais tout le monde nous regardait et applaudissait. Ça, c'est bien ça. Ouais. C'est que t'as été efficace dans ton rêve, Ryan. Bravo! Faire l'amour en public. Ce rêve peut survenir après qu'un membre de votre famille ou l'un de vos amis ait critiqué votre partenaire. Ah ouais? Voilà. Donc, c'est ça, faire l'amour en public. Vous êtes gêné. Mm-hmm. Ah, et qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, tiens, pour. C'est qui? C'est Catherine qui nous a laissé un message sur Drake. Si vous rêvez à une célébrité, qu'est-ce que ça veut dire? Vous couchez avec une célébrité dans un rêve? C'est simple. Vous cherchez à diriger les projecteurs sur vous. Oh! Voilà. Et ça veut pas du tout dire que vous allez coucher, par exemple, avec Drake, hein, pour toi, Catherine. Oui, par exemple. On sait jamais, hein. Voilà, pour. Moi, le seul rêve que je connais la signification, c'est quand tu perds des dents en rêvant, c'est qu'il y a des gens qui vont mourir. C'est un rêve sympa, j'espère que vous l'avez pas fait cette nuit, hein. Celui-ci, il est pas super. Non. Et si vous aviez rêvé que vous aviez gagné les 1500 euros, ça va peut-être se passer ce matin. Hein. Le rêve va devenir. Oui. Réalité. C'est plus fort qu'un rêve érotique, ça. Les 1500 euros, tu as l'enveloppe entre les mains, Romano. Ah oui, quel rêve. Et tel un magicien, abracadabra, tu vas faire sortir le chèque qui est dedans et le numéro pour qu'on puisse appeler. C'est incroyable. Incroyable. Une bonne nouvelle dès le réveil. Non, c'est Skyrock. C'est Skyrock. 1500 euros dans ta poche. Oh putain, c'est trop bon. Maintenant. La radio qui fait rêver dès le matin. 1500 euros à gagner tout de suite. Allez, on y va. On va où d'ailleurs? On salue Kathleen qui a gagné hier dans le 60. Bisous Kathleen. À partir en week-end avec ses 1500 ouais. euros. Ah. Et François qui a gagné à Atismans. Qui va offrir un voyage à sa maman, c'est mignon. Bravo François, bravo Kathleen. Et c'est peut-être vous ce matin, qui c'est qu'on appelle? Et ça me fait plaisir parce qu'on va à Dijon en Bourgogne. Ah. Dans ma patrie, retour au bercail. Ah. Retour dans mes racines. Retour en Bourgogne. Et c'est Soufiane Toumbou. Soufiane Toumbou. Oui. Allez, debout chez les Toumbou. Mmh. On vous appelle ce matin, 1500 euros à gagner. Soufiane Toumbou. Et vous pouvez vous inscrire toute la matinée. Vous inscrivez au 720, vous envoyez 1500. Vous allez voir comment ça représente en Bourgogne. Allô la Bourgogne. Allô. Allô, bonjour, Soufiane. Comment ça va, Soufiane? Bonjour. On est en direct à la radio, Soufiane. Oui. Oui. Attends, ne crie pas tout de suite, Soufiane. Oui. On va d'abord te demander quelle est ta radio préférée. Non, qu'est-ce que ta maman, c'est ma radio préférée? Oui, alors mets-toi bien dans le téléphone, on t'entend pas, Soufiane. Oui, qu'on entende ta belle voix. Parce que t'imagines. Attends, enlève ton kit mal libre, Soufiane, on t'entend super mal. Non, mais je suis aux toilettes là. Ah, d'accord. Bon, bah alors finis de faire caca et puis dis-nous. Ouais, ma radio préférée, c'est Skyrock. C'est gagné. Ouais. Vive la Bourgogne. Et vous pouvez bravo. Aussi gagner 1500 euros dans vos toilettes, la preuve ce matin. Vive Dijon. C'est Dijon, là. Ah, c'est, bon, c'est ça. Dijon. Dijon représente ce matin. Soufiane, tu viens de gagner 1500 euros en direct sur Skyrock. En direct des toilettes, ça c'est magnifique. Bravo. Yalla, yalla. Mais t'es pas tout seul dans les toilettes, dis donc. Ouais, c'est bon. Oh, non, là je suis dehors. C'est mon petite copine. Ouais, j'entends la petite copine qui est une voix d'homme. Ah, mais, elle est charmante. Tu vas pouvoir. Ça va, les gars, je suis tranquille. Tu vas pouvoir lui offrir plein de cadeaux, ta petite copine. Ouais, elle va être cool. Elle va être contente, celle-là. tu fais quoi dans la vie, Soufiane, dis donc. J'allais travailler en ce moment, j'étais carreur. Très bien. Bah, ça va carreler ce matin. 1500 ouais. euros pour toi. Ah, et, bon. Et une petite idée de ce que tu vas faire avec déjà. Bah écoute, je vais donner. Ouais. Ils sont marrants tous les deux là. Ouais, ouais. Ouais, il est sympa ton coloc. Ouais, ça va, il me casse pas trop les bonbons. Ouais, mais là, à mon avis, il va insister un peu pour que vous fassiez une petite teuf pour les 1500 euros. Ah ouais, il va gratter, mais jour et nuit. Ouais. Ah, alors ça, c'est sûr, t'as raison, Romain. Non, là, il va gratter, celui-là. Eh, maintenant, t'as mis 500 euros, limite, t'as plus besoin de lui comme colocataire. Ouais, je peux même changer d'avis, quoi, tu vois. Attention, le colocataire va se faire foutre dehors, maintenant. Ouais. C'est quoi son... Ouais, je vais changer une autre, ouais, tu vois, toi. C'est quoi le prénom de ton pote? Comment il s'appelle? Mon pote? Ouais. Thomas. Alors Thomas, Soufiane, 1500 euros en direct à Dijon. Bien joué. Tu quittes pas Soufiane, bon, on prend tes coordonnées, on t'envoie le chèque dans une semaine. Ok, ça marche. Super. Alors, on peut avoir un t-shirt? Oh bah tant qu'à faire. Allez, un petit t-shirt en surplus. Hey, t-shirt pour Allez. Thomas et 1500 euros pour Soufiane. Ça va, moi je trouve ça équitable. C'est pas mal. Merci. Merci les gars. Et 1500 euros. Ciao. Dans salut Dijon. Salut les Dijonnais. Et on continue notre tour de France. Peut-être chez vous, vous gagnez 1500 euros. Si vous répondez Skyrock, dans un instant, ça va être chaud. On envoie la terreur des restaurants, des cuisines. La terreur des cuisines dans des restos. Philippe Etchebest. Ouais, c'est le réveil de star qui arrive tout de suite sur Sky. En direct de 6h à 9h. C'est le morning de Default sur Skyrock. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at Skyrock avec This Is What You Came For sur le son de Calvin Harris. Fetty Wap arrive, mais tout de suite c'est le réveil de star comme tous les matins sur Sky dans le morning. On se réveille avec une star et on réveille les Français avec une star, Philippe Etchebest. Les stars réveillent la France. Mon nom, Philippe Etchebest. C'est le réveil de star sur Skyrock. Parce que j'ai pas envie que les gens ils entendent ce que je vais vous dire. Voilà, bah écoute, tout le monde va entendre. Ah bah là, ça y est, on a l'antenne là, Philippe. Hein. Philippe Etchebest. Putain, j'ai du mal à dire ce nom, c'est dingue. Hein. Je vais l'appeler Fifi. Voilà. Fifi, la terreur des restaurants de la France. France entière. Cette nuit, on a décidé de faire un rugbyman et il fait de la boxe. Ouais, faut pas le faire chier. Ouais, c'est ça. Il débarque dans les restos, puis il leur dit, bon, c'est tout pourri. Ouais, je vais te mettre ton nez dans ton caca. Ça, c'est une de ses phrases, d'une de ses punchlines préférées. Je vais te mettre ton nez dans ton caca. Ah ouais, c'est clair. En même temps, ouais, des fois, il y a de quoi. Donc, cette nuit, on a appelé des restos ouverts tard le soir. Mm-hmm. On va filer dans le sud de la France tout de suite pour le réveil de star. Vas-y, Philippe. Vas-y, Fifi. Philippe Etchebest. Qui débarque dans un restaurant, on va voir s'il est bien accueilli. Tout à l'heure, il n'a pas été super accueilli. Non. Hein. Non. J'espère que ça a mieux marché ce coup-ci. Restaurant Béné, bonjour. Allô? Oui. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va super. Vous êtes qui, vous? C'est Marion. On peut manger ici ou pas? Oui. Vous n'avez pas de carte? C'est toujours à la carte. Tous les plats de la carte sont surgelés. Et voilà. Ah non, pas du tout. Les avis du client, c'est quand même pas correct. C'est un petit peu trompé le client. Mais vous êtes qui? On ne fait pas de surgelé. C'est quoi cette histoire? Vous l'avez goûté ou pas? Ah bah, on goûte tous les plats. Ouais. Ah ouais? Bon, vous savez quoi? Je vais vous passer le chef, ça va être plus simple. Ah. On va aller voir le chef? C'est sympa. Oh, écoute-moi, qui tu es, toi? Oula. Mon nom, Philippe Etchebest. Qu'est-ce que tu veux? Tous les plats de la carte sont surgelés. Viens me voir, bien. Le restaurant est triste à mourir. Mais il t'emmerde. Il t'emmerde. Et toi, t'es pas triste, toi? Je suis un homme heureux. Oh, mais quelle espèce de taré tu es, toi, là? Les défis, ça me fait pas peur. Moi non plus. L'hygiène de la cuisine est déplorable. Oh, ça, tu peux venir lécher, gros con. Et plus propre que ton cul. Eh, hey, faut arrêter les conneries, là-haut. Faut arrêter les conneries. Putain. Ouais, mais qu'est-ce que tu me branches? Qu'est-ce que tu veux? Je suis là pour vous aider. Ouais, j'ai pas besoin d'aide, moi. Tu t'es foutu dans la merde, mais alors, jusque-là. J'ai pas de problème, moi, trou du cul. Et donc, on fait quoi? J'ai envie que tu fermes ta gueule. Oh putain! Très, très bon contact. Très bon contact. Et on va rajouter à la carte un petit trou du cul. Voilà. Ah, il y avait un trou normand qui existait dans certains restos là. Oui. Ce sera le trou du cul. Le trou du cul. Philippe Etchebest. Il y a un fromage qui s'appelle le trou du cru. Et ben voilà, on peut le rajouter dans la carte. Et il pue, là. Hein. Philippe Etchebest, le cauchemar. On parlait des rêves tout à l'heure. Le cauchemar des restos de France. J'espère que si vous êtes dans un resto, il débarquera pas un jour. Sinon, vous allez mordre. Ah, sinon, il va vous faire la misère. Attention à Philippe Etchebest. Etchebest. Ah, Etchebest. Même moi, j'arrive à le dire, Etchebest. Bravo, Romano. Moi aussi, Etchebest. Ah, bah voilà. Mais non. Ah bah, vas-y, dis. Etchebest. Non, toujours pas. Bon, vas-y encore. Le type d'M6 qui fait chier les restos. Mais c'est qui? C'est Philippe Etchebest. Ah, je ne connais pas ce monsieur. Etchebest. Bah, t'as qu'à regarder M6, il passe. Quand moi, j'adore cette émission. Quand sa gueule, il est dedans, là. Ah ouais. 7h18, info mytho, c'est dans un instant. Et c'est avec l'iPhone 7 à gagner, juste après le son de Fetty Wap que je vous avais promis. J'aime bien Fetty Wap, j'adore Fetty Wap même. C'est Trap Queen. Écoutez Trap bien. Queen. Ouais, c'est parti. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. Dépôt dans mon bando, j'ai géré cette femme, oui elle est trop nebo. Cambré comme un sirocco avec les quatre pots. Le genre de meuf qui boutant, tu l'invites au McDo. Suffit pas d'un texto pour la voir au resto. Connais tous les fous de Cristiano Ronaldo. Me dit que c'est pas une michto, mais elle aime la Nemo. J'ai sorti la Benzo pour la voir au télo. Mais j'ai déjà ma bourre, ça va me faire des blimpos. And I have with my baby. I just left the mall, I'm getting fly with my baby, yeah. And I can ride with my baby. I'll be in the kitchen cooking pies with my baby, yeah. And I can ride with my baby. I just left the mall, I'm getting fly with my baby, yeah. And I can ride with my baby. I'll be in the kitchen cooking pies with my baby, yeah. Aujourd'hui je suis dans la musique, j'ai gay ma vie sans belly. Je veux quitter mon taudis, faire la sœur pour Miami. Plus voir mes parents souffrir. Mon Dieu donne-moi l'opportunité de voir la maman sourire. À la base c'était un délire. Aujourd'hui je suis reconnu, on m'appelle même chez les caries. Et le succès veut qu'on se marie. Mais la route est périlleuse comme dans un rallye. And I have with my baby, baby. I just left the mall, I'm getting fly. Kitchen cooking pies with my baby, yeah. And I can ride with my baby, baby. I just left the mall, I'm getting fly with my baby, yeah. And I can ride with my baby, baby. I'll be in the kitchen cooking pies. Dans mon bando, J'ai géré cette femme, oui, elle est trop nepo. Cambré comme un sirocco avec les quatre pots. Le genre de meuf qui pourtant tu la vis au McDo. Suffit pas d'un texto dans mon bendo. J'ai géré cette femme, oui, elle est trop nepo. Cambré comme un sirocco avec les quatre pots. Le genre de meuf qui pourtant tu la vis au McDo. Mais j'ai déjà ma gousse avant de faire des blimpos. And I have with my baby, baby. I just left them all, I'm getting fly. Cooking pies with my baby, yeah. And I can ride with my baby, baby. I just left them all, I'm getting fly with my baby, yeah. And I can ride with my baby, baby. I'll be in the kitchen cooking pies with my baby, yeah. Trop nepo. Trop nepo. Texto. Tomato. Pesto. Dans mon bendo. J'ai géré cette femme, oui, elle est trop nepo. Cambré comme un sirocco avec les quatre. Fenty Wap sur Skyrock, et t'as choisi la version avec Gradure Romano. C'est une bonne idée, Gradure et voilà, invité bonus. De Planet Rap. Bonus, ouais, Gradure et Fenty Wap sur ce morceau, Trap Queen. La version exclue Skyrock d'ailleurs. Ouais, enregistré juste pour nous. Ouais, il était hier dans Planet Rap, Gradure. Ouais, ouais, il est venu faire un tour dans le Planet Rap des Lames. Ouais, il est en pleine forme. Oui. Planet Rap tous les soirs, 20h, 21h, juste avant notre radio libre. Votre radio libre tous les soirs, c'est 21h minuit. Voilà, une grosse soirée qui se prépare. Maintenant, on va déjà s'occuper de notre grosse matinée avec les gros cadeaux du matin. Dans 10 minutes, 1 500 € à gagner. Inscrivez-vous au 720 si vous voulez augmenter vos chances de gagner. C'est tombé il y a une demi-heure chez Soufiane et son colloque Thomas à Dijon. Ah, ça représente la Bourgogne. Il a gagné 1 500 € dans les toilettes. On peut gagner partout. Hein, ah, ouais, n'importe où. Ouais. Dans 10 minutes, donc 1 500 € si vous répondez Sky. Et tout de suite, attention, attention, iPhone 7 à gagner avec Info Mytho. Info Mytho avec une petite info que je vous donne maintenant. Nous allons parler de la super maire de Paris qui s'appelle Anne Hidalgo, mais qu'on surnomme également Madame Bouchon. Oui. Hein, celle qui fait chier tous les, ça, tous les franciliens. Ouais. Hein, ouais, elle ferme les routes, elle. Elle ferme les routes, mais voilà, elle, en plus, elle demande l'avis. On lui dit, ah non, faut pas fermer. Elle fait, ah bah si, je vais fermer quand même. Oui, parce que je suis maire de Paris. Oui, et voilà, je vous emmerde. Alors, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a fait un truc super hier. Elle s'est baignée en maillot de bain dans les égouts. Pour montrer que les égouts de Paris étaient propres. Ah ouais, ça va mieux. Est-ce que c'est une info, elle est capable? Est-ce que c'est une info ou un mytho? La maire de Paris, Anne Hidalgo, s'est baignée en maillot de bain dans les égouts. Imaginez votre maire, je sais pas, par exemple, vous êtes à Marseille, votre maire c'est Jean-Claude Godin. Imaginez-le en train de se baigner dans les égouts. Dans le vieux port. Ouais. Il passe pas dans la bouche, du coup. Ah, il passe pas dans la bouche. Alain Juppé, lui, il est tout maigre. Le maire de Bordeaux, hein, dans les égouts. Ah ben voilà, dans les égouts de Bordeaux. Et ça passe, Alain Juppé. Il me fait penser à quelqu'un, moi, de l'équipe. Je sais pas qui. Non, mais je sais pas, c'est son crâne. Ça peut-être. Me dit quelque chose aussi. Hein? Ah non, mais attends, j'ai plus de cheveux que lui. Hein. Oh, c'est pas sûr, Romano. Regarde-le, tu verras. Sinon, bah écoutez, vous nous dites si c'est vrai ou si c'est faux, parce que c'est un faux ou mytho. Donc on joue avec vous. Question de sélection pour après jouer avec Cariole et Romano. Ouais. Ouais. Vous nous dites au 41-759 si c'est une info, ou alors sur l'appli. Hein. Si c'est une info, vous envoyez info. Si c'est un mytho, vous envoyez mytho. C'est un des jeux les plus simples du monde à part les 1 500 €. Eh ben voilà. Et vous gagnez votre iPhone 7. Question de sélection. Vous jouez avec Romano et Cariole. Info, mytho. N'oubliez pas vos numéros et faites péter tout ça. La réponse dans un instant. Il est 7h24 sur Skyrock. Travis Scott, le prodige du rap US. Découvrez son nouvel album featuring Kendrick Lamar, Kid Cudi, The Weeknd. Inclus Pick Up The Phone featuring Young Thug. Album déjà disponible. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron? T'es chez Lidl? Chez Lidl sur mer, oui. En ce moment, c'est la foire aux poissons ici. Et les filets de cabillaud, ils nous les font à 11,99€ la barquette d'un kilo. Quoi? 11,99€ le kilo de filet de cabillaud chez Lidl? On a vraiment pas de peau. Comme les filets de cabillaud, hein. Sans arête et sans peau. À moins de 12€ le kilo, je pourrais en embarquer quelques barquettes, patron, non? Arrête, oui, parce que là, ça me reste au travers de la gorge. Hein. Oui, là, ça fait mal. Très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Offre valable jusqu'au samedi 8 octobre, pêchez en Atlantique Nord-Est. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Assieds-toi, maman, je m'occupe de Oula, tout. Attention, mon chéri, ce couteau coupe très fort. Oui, maman. Et là, viens la salade, hein, mon choubiglou. Maman. Attention à ne pas brûler, trésor. Maman, je suis plus un gamin, j'ai 32 ans. Si j'ai pu m'offrir ma cuisine Ikea, je peux aussi l'utiliser tout seul. Il y a des choses que l'on aimerait ne jamais voir grandir. Chez Ikea, les prix restent petits toute l'année. Venez vite découvrir toutes nos cuisines à bas prix dans votre magasin Ikea. La nouvelle cuisine Calarpe bleu turquoise est à seulement 379€. Ikea. Un pour tous, tous pour l'anniversaire Intermarché. Et oui, encore 3 semaines. Jusqu'à ce soir, la côte de bœuf à griller Origine France est à 9,90€ le kilo. Oui, 9,90€ le kilo et Origine France. Mais c'est seulement jusqu'à ce soir. Dépêchez-vous. C'est ça l'anniversaire et c'est seulement chez Intermarché.

très énervé, voulait qu'un policier l'aide à traverser. Bon, en fait, je sais pas, il l'a pas vu, il était dans la voiture. Ça l'a énervé, elle a mis un coup de canne dans la bagnole et elle a craché sur la voiture. Elle a craché son dentier sur la voiture. Elle a craché sur la voiture. Et bon, forcément, le policier est sorti. Bon, vu qu'elle avait 96 ans, elle lui a dit, qu'est-ce qui vous arrive, madame? Bon, il l'a laissé partir sans rien. Et là, pendant ce temps, elle le tapait avec sa canne. Pam, pam, pam. Alors, ça, c'est l'info de Romano. Info mytho. On passe à celle de Cariole. Si vous voyagez régulièrement en avion, ou si vous avez des enfants que vous faites voyager, attention. Ouais, bah imaginez, justement, vous sortez de l'avion, vous récupérez votre enfant, mais c'est pas le bon. Oh, ma merde, alors. Oh, merde, mais dis donc, t'as changé. Ils sont trompés de gosse. Et bah, c'est ce qui s'est passé dans une compagnie aérienne américaine. Ouais. Et la mère, elle veut pas en rester là, évidemment, parce qu'elle a une grande détresse émotionnelle, peur extrême, horreur, choc mental, angoisse et traumatisme psychologique. Oh, quand même, tout ça. Mais elle a retrouvé son gosse. Bah oui, au bout d'un moment, oui, ils s'en sont rendus compte quand même. Hein. Imagine. Donc, ils l'auront rendu. Alors, Nassim, qui dit vrai, qui dit faux? Cariole de côté, Romano de l'autre. La mamie avec la canne ou le gosse s'est changé? C'est un peu dur. Mais c'est dur. J'ai confiance en Romano, je vais dire info pour Romano et mytho pour Cariole. Faut jamais faire confiance à Romano. Jamais. Ouais, ouais, non, enfin, mais... bon, si, parfois, on sait jamais. Oui, mais là, pas sur le coup, là. Ouais, putain, là désolé. Je le sentais, Nassim. Ah. Désolé. Je le sentais, Nassim. Cariole, c'est vrai. Un gosse a été échangé. Faites attention si vous prenez l'avion. Et la mamie, elle a pas défoncé un flic avec non, elle. Et ça se passait pas du côté de Bordeaux, c'est une mamie de 102 ans, une américaine. Ouais. En fait, elle avait un fantasme et un petit peu un rêve. C'était se faire arrêter par un policier. Ah ouais, d'accord. Alors, à partir d'un certain âge, on a, comme on dit chez moi, le gando qui bouge. C'est une expression stéphanoise que je vous apprends ce matin. Et donc, le directeur de sa maison de retraite a réalisé son rêve. Elle a été embarquée à l'arrière d'une voiture de police. Ils lui ont passé les menottes. Arrivée au commissariat, ils lui ont mis le képi. Elle a pris des photos avec les policiers. C'était le plus beau jour de sa vie. Et on a même la vidéo qui est sur les réseaux sociaux de Skyrock. Bon, sur les réseaux sociaux, vous pouvez aller mater la mamie. C'est super mamie. Non, mais elle était contente. Hein. C'était son rêve. Bah écoute, c'est mignon. Voilà, deux histoires super mignonnes, des gosses échangés, c'est bien. Et puis la mamie. Bon, désolé Nassim. Ah, désolé, ouais. Ah, dégoûté, c'est pas grave. Dégoûté, mais pas tout à fait, tu vas voir. On va t'envoyer le tout nouveau FIFA 17 à la maison. Ah, super. On t'envoie le t-shirt Skyrock aussi à la maison. Et une autre bonne nouvelle, tu peux rejouer quand tu veux avec nous dans le morning. Ah super. Bon, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Bonne journée à Marseille. Merci, je vous écoute tous les matins. Super. Allez, reviens vite, hein, tu peux jouer. Hein. On t'attend, hein, Nassim. Hein. Ouais, j'y manquerai pas. Allez, viens vite. Ciao, Nassim. Ciao. Et dans une heure, nouvel iPhone à gagner, l'iPhone 7 à choper. Ce sera avec un invité mystère dans une heure à découvrir. Ouais. Avant l'invité mystère, on a plein de choses pour vous. 1 500 euros juste après les infos de Rémi. Dans deux minutes, vos 1 500 euros si vous répondez Skyrock. DJ Snake à écouter juste après les infos aussi avec Justin Bieber. Ouais, Let Me Love You. Let Me Love You. Et puis vos conseils pas chers, mais tu nous en reparles juste après Rémi, Romano. Oui. Il est 7h33, c'est les infos pour être au courant de tout. C'est parti. Voici votre météo. Vaut mieux être au nord qu'au sud aujourd'hui. Ah oui, c'est un petit peu ça, ouais. Parce que bon, bah si encore au nord, on a du soleil et un ciel bien dégagé. C'est pas la même musique dans le sud avec le retour d'une perturbation aujourd'hui qui va amener forcément de la grisaille, des nuages donc et de la pluie et même des orages en fin de journée sur le pourtour méditerranéen et en Corse. Et puis les températures. Inutile de vous dire, hein, vous êtes déjà sortis peut-être qu'il fait froid ce matin entre 5 et 15 degrés. On a moins 1 au Puy-en-Velay, donc de la gelée potentielle sur les voitures. Et puis un petit degré à Clermont-Ferrand. Il fera de 14 à 23 cet après-midi, 17 en région parisienne. Et puis la pollution, c'est nickel aujourd'hui. Les indices sont compris partout entre 2 et 4. Les infos et le sport, c'est parti aussi. Ah, et les températures en baisse, on l'a dit, et bien souvent synonyme d'apparition de petites maladies contraignantes. C'est bientôt reparti pour les rhumes, les angines, les grippes, les toux ou encore les gastro. L'occasion pour les médecins de rappeler quelques petits conseils histoire de les éviter. Pensez à bien vous laver les mains régulièrement après les toilettes, après les déjeuners, histoire d'éviter le passage des microbes. Pensez aussi à faire du sport. C'est important de garder un bon effort physique pour le système immunitaire. Allez, une petite demi-heure de sport, même de la marche par jour, plébiscité par tous les médecins, tout comme une alimentation équilibrée, un sommeil de qualité également. Enfin, il y a une carence qu'on a parfois en hiver, c'est la vitamine D. Alors c'est vrai, il n'y a pas toujours du soleil, mais aujourd'hui il y en a, donc profitez-en. Allez faire le plein de vitamine D avec le soleil dehors, tout simplement. Ouais, si vous en avez, parce que dans le sud, c'est pas gagné l'histoire. C'est vrai. Alain Juppé qui accentue encore son avance sur Nicolas Sarkozy, selon un sondage Harris publié aujourd'hui. Le maire de Bordeaux prend un bon bol d'air frais à un mois et demi du premier tour de la primaire de la droite et du centre. Il est crédité de 39% d'intention de vote contre 35% en faveur de l'ancien président. Reste à savoir qui seront les votants. François Fillon a appelé hier tous les électeurs à s'exprimer, qu'ils soient de gauche ou de droite. à des violents affrontements hier soir en Corse. Ils ont opposé des jeunes nationalistes aux forces de l'ordre. Ce qui n'était au début qu'une simple manifestation s'est transformé en guérilla urbaine. Les heurts ont éclaté à Bastia, conséquence d'un procès qui se tient à Paris et qui implique trois membres d'un mouvement indépendantiste. Quatre policiers ont été blessés. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, condamne avec la plus grande fermeté des violences qu'il estime inacceptables. Deux policiers attaqués à l'arme blanche hier à Bruxelles. C'est lors d'un contrôle que l'individu a sorti un couteau. Les jours des deux policiers ne sont pas en danger. Les autorités soupçonnent un acte terroriste. L'agresseur serait un ancien militaire connu de la justice pour ses contacts avec des combattants en Syrie. Antoine Guterres, bientôt à la tête des Nations Unies. L'ex-premier ministre portugais va succéder à Ban Ki-moon. Il a obtenu le feu vert du Conseil de sécurité il y a quelques heures. Il sera officiellement élu secrétaire général de l'ONU en janvier prochain. Dans moins d'une demi-heure, vos places de foot à gagner pour France-Bulgarie. Petite question foot pour vous. On va tester nos connaissances footballistiques ce matin. Et puis du foot aussi dans les infos avec une mauvaise passe pour les Bleuets. Ouais, avant les grands bleus tout à l'heure, c'est les petits bleus. On espère que ça se passera mieux, en tout cas pour les grands bleus, comme tu dis. L'équipe de France Espoir, loin d'être encore qualifiée pour l'Euro. L'Islande a remporté son avant-dernier match hier contre l'Écosse. Du coup, les Islandais sont premiers de la poule, à égalité de points avec la Macédoine. Et donc, les Français sont à une longueur de ces deux équipes. Il faut désormais un faux pas d'une des deux. On l'espère en tout cas. Et une victoire mardi prochain, une victoire sûre et certaine à Belfast contre l'Irlande du Nord. Sinon, eh ben, l'Euro, sous le nez. Bon, voilà. Allez les Bleuets. Terminé. Reprenez la pêche. Ouais, on et avant 8h, comme promis, les places France-Bulgarie à gagner. C'est pour vous, c'est sur Skyrock. Il est 7h36, c'est l'heure des 1500 euros tout de suite. Allez. La nuit a été courte. La journée sera moins longue avec le morning de Default sur Skyrock. Et merci de démarrer la journée avec nous sur Sky, le morning dès 6h tous les matins avec toute l'équipe qui est là, toute l'équipe, moi Cédric, mais qui est toujours avec nous dans notre cœur. Oui. Oui, puis il est toujours de ce monde, hein. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, comment tu présentais le truc? Non, tout va bien, sa clavicule est toujours cassée, mais à part ça, ça roule. Hein. Oui, il a toujours sa diarrhée. Oui, mais on l'a eu hier. Ça nous inquiète pas plus que ça, vu qu'il l'a tout le temps. Bon, ça n'a pas changé. Bon, vous l'aurez peut-être avant 9h du matin en direct avec nous, alors de ce soir. Ah, soyez là ce soir, grosse surprise pour Cédric. Ah, c'est gentil, Romano, de penser à lui. Ah bah oui. Bon, t'as pensé à nous ce matin parce que tu as décidé de faire venir une star dans le morning. Alors, tu ne m'as pas dit qui c'était, mais j'aimerais bien découvrir. Est-ce qu'on va le savoir dans les conseils pas chers? Bah, c'est elle qui va faire les conseils pas chers à ma place, sur le coup. C'est une femme. Oui, une femme sexy. Hein. Une femme sexy dans les conseils pas chers. Ah, je peux vous dire, à côté de Cariole, c'est une beauté, mais... Une bombe, tu peux dire une bombe? Une bombe sexuelle. Waouh. C'est dans les conseils pas chers qui arrive dans un instant. Excitation maximale, je pense. Notre top lose, top win du jour. On aura donc un loser ou un winner, une loser ou une winneuse, ce sera avant 8h du matin. Les places de foot, je vous en ai parlé, l'horoscope, vous avez l'habitude, c'est vers moins quart de chaque heure. Ouais. Et puis 1500 euros, bah là c'est maintenant tout de suite. Place au pognon. Oui, 1500 euros à gagner, on y va. Mode d'emploi pour choper 1500 euros. Bonjour, c'est qui? Tu fous le tapel? C'est pas vous aussi. Tu réponds Skyrock. Tu gagnes. Et ouais, c'est pour bien démarrer la journée. C'est tombé il y a une demi-heure chez Soufiane à Dijon. Et ouais, ça va peut-être tomber chez vous maintenant. Où est-ce qu'on va aller ce matin? On va aller en région parisienne. Si vous êtes en région parisienne, 1500 euros pour vous. Dans le 78, autrement dit les Yvelines. Et plus précisément, hop, à Poissy. Si vous êtes Vincent Pujol de Poissy, attention, le téléphone va sonner dans quelques secondes. 1500 euros à gagner. Pour Vincent Pujol, pour gagner, c'est simple. On vous appelle, on vous parle radio au téléphone, vous répondez Skyrock, c'est dans la poche. Skyrock. Skyrock. Dès qu'on vous demande quelle est votre radio préférée. Allez les Pujol. Allez les Pujol. Allez Poissy. J'ai un gagnant ce matin, c'est bien. Comment c'est? Oui, Vincent Pujol. Ah oui, Vincent Pujol, bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est la radio au téléphone. Oui. Vous êtes docteur? Oui. Ah, vous êtes docteur? Oui. Ah, d'accord. Bonjour monsieur docteur Pujol. Bonjour. Ah bah c'est marrant parce qu'on parlait des petites maladies qui arrivent parce qu'il fait froid là. Oui. Eh ben voilà, ça tombe bien, on a un médecin à domicile là. Ah c'est bien, vous allez avoir du client. Bon, on vous appelle en direct à la radio, c'est pour vous offrir de l'argent, c'est pas parce qu'on est malade, mais on est en pleine forme. Hein. Je vois. On a 1500 euros à vous offrir, Vincent. Mm-hmm. Bon, je vais te tutoyer même si t'es médecin. Hein. Ils sont sympas les médecins. Est-ce que tu es en blouse là déjà? Absolument. Ah, ah absolument. Alors, absolument, oui. Et je suis nu en dessous. Complètement. Ah, t'es nu en dessous. Ah, le rêve. Parfait. Magnifique. Alors Vincent, on va te poser une question. On va te demander quelle est ta radio préférée. Si t'as la bonne réponse, tu repars avec un chèque de 1500 euros. Ma radio préférée, c'est BFM. Non, c'est pas BFM. Eh ben, je me doute. C'est la radio de l'économie. Oui. Pourquoi tu fais des placements partout et tout ? Pas du tout, mais c'est la seule radio positive. Ah bah c'est super positif. Ah, et le chômage, alors il augmente. Ouais, bon, la bourse, elle casse la gueule. Mais ben non, ça c'est les radios classiques qui parlent que des mauvaises nouvelles, justement. Ah, c'est vrai qu'il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, t'as raison, Vincent. Ouais, ouais. Faut positiver. Bon, nous c'était Skyrock, on positive tous les matins, hein, t'inquiète. Parfait, continue comme ça. Bah toi aussi. Bonne journée avec les clients. Ouais, super. Ah, attends, j'ai quelqu'un de pharmacie là, c'est la petite Joconde qui travaille en pharmacie qui nous dit pour éviter les maladies, il faut prendre des compléments en gouttes de vitamine D. Est-ce que c'est vrai ? Ah, vitamine D, c'est toujours utile. D'accord, donc la petite Joconde, elle a raison. Tout à fait. La Skyrock, premier sur le corps médical ce matin. Oui, merci docteur. Et le corps tout nu de Vincent sous sa blouse. Absolument, oui. Bon, super Vincent, c'est une bonne journée en tout cas. Ciao. Et 1500 euros dans moins d'une demi-heure à gagner. Pour augmenter vos chances de gagner, envoyez 1500 720, c'est jamais ça peut marcher. Hein. Ah oui. Allez. Le morning de Diffoul sur Skyrock. Le morning qui fait... Ah, j'y crois même pas, putain. Réveil. Je me demande quelle est la star qui va venir faire les conseils pas chers avec Romano. Je sais pas si vous avez une idée, mais... Bon, star sans doute internationale, hein. Oui. Internationale. Ah ouais. Une beauté, mais... I used to believe we were burning on the edge of something beautiful. Selling a dream. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle. On a miracle. Of days, having to heartbreak away, never let you go, never let me down. Oh, it's been a hell of a ride, driving the edge of a knife, never let you go, never let me down. Don't you give up, nah, nah, nah, I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you. Don't you give up. Snake, Let Me Love You sur Skyrock. Soprano arrive, je vous l'avais promis, il arrive avec Humphrey. Et Pitbull et Florida aussi. Et puis le gros son de The Weeknd avec les Daft Punk. Son que vous avez découvert dans le morning avec nous. Un matin, on s'était réveillé comme ça à 6h. Et on a kiffé dès le début Starboy. Ce sera tout à l'heure sur Sky. Il est 7h43. Bon, on attend la grande star des conseils pas chers, mais la vraie star des conseils pas chers, c'est toi, Romano. Ouf. Il fait le modeste. Sois pas modeste. Hein. Écoutez, Grigory. Bon, bah, ok, je ne suis pas modeste. Oui, effectivement, c'est moi la star des conseils pas chers. La star des conseils pas chers et les conseils pas chers de ce matin. Tu nous as pas dit d'ailleurs de quoi on allait parler, tiens. Eh bien, on va parler prostitution. Les prostituées. Dommage que Cédric ne soit pas là. Ah ouais, parce que c'est quand même Monsieur Prostitué. C'est vrai, on a Monsieur Prostitué dans l'équipe. Du monde entier. Voilà, je te donne 200 euros, Mano, et fais-moi tout. Ouais, non, laisse tomber. Je te fais la totale. Ça va être un peu plus cher, Cédric, du coup, là. Qu'est-ce qu'est-ce qui se passe avec la prostitution? Eh bien, gros problème avec la prostitution. Là, en avril, il y a une loi qui a été votée pénalisant les clients. La loi à la con. Voilà, ouais. C'est ça. Ouais. Ben, loi à la con. Grande efficacité de la loi, puisqu'en 6 mois, ils ont mis un nombre à lui, 250 amendes. Énorme. Voilà une loi à la con. Les mecs ont passé 6 mois à travailler sur cette loi. Oui. Bilan, 250 verbalisations. Un petit conseil, travaille sur le chômage, des trucs comme ça. 250. Bon, c'est... Ah ouais, c'est quoi? Putain, merde. Qu'est-ce qu'il y a? C'est cher? Ah ouais, 1500 euros pour le client. Cédric, fais attention, ça risque de te coûter cher. Hein. 3500 en cas de récidive. Attention, attention, ça coûte cher. Alors, carriole, 250 amendes fois 1500. Non, mais arrête, on en a jusqu'à 9h du matin. Non, laisse tomber, je sais pas. Eh bien, je te le dis de tête, ça fait 375 000 euros. Une loi qui a rapporté 300, c'est tout? Ouais, et en plus, ils nous ont bassiné combien de temps avec ça? Oh, bah un an. Au moins un an. Voilà. C'est bien parce que pendant ce temps-là, on parle pas d'autre chose en fait. C'est vrai. Ouais, ouais. En fait, ça leur a rapporté moins que les 1500 euros nous coûtent depuis le début de l'année. Ouais, c'est clair, ouais. C'est à peu près ça, ouais. Bon, alors, quelle c'est cette star qui va venir t'aider? Je sais pas moi. Bah, attends, Kim Kardashian? Ah non. Non, c'est mieux. Hein. Rihanna? Encore mieux. Non, c'est pas mieux. Tu dis prostituée Zaya? Non. Nabila? Non plus. C'est qui alors? Eh bien, elle arrive, je mets le jingle et elle apparaîtra. Ah. Rihanna gagne 200 000 euros par jour. Wow. Romano fera-t-il plus fort ce matin? C'est les conseils pas chers sur Skyrock. Rihanna, non? Non. Attention, elle arrive. Qui c'est? Je vous la présente. Abracadabra, je suis Pamela. Ah non. C'est moi, coucou. Bonjour Pamela. Ben bonjour, comment vous allez? Bonjour, bah écoute, ça va bien. Bah nickel. C'est bien, t'étais hier soir avec nous dans la radio libre. Bah j'ai passé la nuit sur le trottoir et j'arrive là. Très bien. Qu'est-ce que tu viens faire pour aider Romano dans ses conseils pas chers? Eh bien, je vais l'aider parce que j'ai un problème, j'ai eu des clients, ils oublient de me payer. Tu veux qu'on appelle Cédric? Oui, non. Non, pourquoi tu veux pas? Je sais pas, j'ai un écœurement quand je le vois. Le matin, c'est difficile. Ah, le soir aussi. Bah, tout le temps. Bon, on appelle donc des Français. Allô, au hasard. Christian. Oui, bonjour, c'est la femme à Christian? Oui. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, c'est Pamela, l'appareil. Oui. Oui, je vous explique, je suis dame de joie. Allô? Oui, vous avez fait des conneries. Ah non, Christian est venu me voir, il me doit 200 euros. Merde, elle a pas entendu. Elle a pas entendu, ça aurait rajouté un petit peu de bonheur dans la famille le matin. Une bonne ambiance. C'est clair. Dis pas que t'es dame de joie. Bah tu veux que je dise quoi? La prostituée. Ah oui. Je sais pas, avec dame de joie ça n'a pas marché, c'est autre chose. Et tu termineras avec prostitute. Oui, voilà. Allô? JP. Ah. Oui, JP. Oui. Oui, bonjour, c'est Pamela l'appareil, comment vas-tu? Claude. Oui, salut Pamela con. Eh, dis donc, je suis la prostituée que tu es venue voir l'autre fois. Oui, bah bien sûr, je te reconnais. Bah oui, mais par contre t'as oublié de me payer. Ah oui. Donc je vais repasser ce matin. Ouais. Tu me donneras 200 euros, ça fera bien l'affaire. D'accord. Voilà. Et pour c'est toi ça... qui viens d'appeler? Bah oui, j'ai eu un petit problème avec mon téléphone portable. D'accord. Donc je viens récupérer les 200 euros et pour 50 balles de plus, je te fais une turlute. D'accord. Eh bien, je suis là à 8h. Bah ok, pas de soucis. Eh bien, à tout de suite, mon JP. À tout de suite, mon poule. Ça dérange pas ta femme? Non, pas du tout. Ah, ça t'arrange. Eh bien, ce matin, je vais turluter à tout va. La reine de la turlute, c'est moi. Il est content. À tout de suite, mon JP. À tout de suite. Eh, tu te laves le kiki, hein? Oui. Parce que la dernière fois, il sentait un peu. Oh non. Dis à ta femme de le laver. Ah, je te la passe. Ah. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour, c'est Pamela, la prostituée de JP. Ah oui, bah vous êtes très belle, ouais. Oui, bah... Dommage que vous louchez, sinon vous auriez de beaux yeux. Oui, oui, bah j'ai un peu l'œil qui libère de l'eau. Par contre, je voulais juste te demander, tu pourras lui laver le kiki avant que j'arrive? Ah ça y est, c'est déjà fait, hein, j'ai élevé de bonheur. Hein. Oui, parce que la dernière fois, il sentait un peu. Oh non. Mais c'est pas grave, hein. Tout le plaisir est là. Ça donne du goût. Oh non, mais non. Si. C'est goûtu. Eh bien, je vous dis à tout à l'heure, j'arrive à 8h, là. Mais il n'y a pas de problème. A tout de suite. À tout de suite. Bisous. Allez, à bientôt. Bisous, hein. Les jeunes. Salut. Bisous. Eh ben merci Pamela. Numéro 3. Numéro 3. Même numéro 1 même. Hein? Moi je suis numéro 1. Moi. Ah tu es numéro. Pourquoi il y a eu numéro 3? Bah je ne sais pas, je me suis trompé de bouton. Ah. C'est vrai qu'elle a que 3 doigts par main. Mais oui, c'est galère. Des fois je galère un peu. C'est une de ses particularités à Pamela. Pamela, Oui Romano. Je reprends la place de Pamela. Bien sûr. Pamela. Attends, j'arrive plus là. Ça sera de retour bientôt. On t'embrasse, Pamela, à bientôt dans le morning ou dans la radio libre. Mais je passerai peut-être ce soir. Ah, c'est une bonne nouvelle, tiens. Vous aurez génial. Cédric ou pas? Au téléphone, oui. Je passerai pas. D'accord. Dans une minute sur Skyrock, l'horoscope de l'amour. Et une petite question qu'on va vous poser. Est-ce que vous vous êtes déjà fait prendre en flag pendant que vous faisiez l'amour? Ou alors pendant que vous faisiez l'amour tout seul, hein, ça marche aussi. Ou toute seule. Les plis en flag, c'est pour notre loser du jour qu'on va retrouver dans un instant aussi sur Skyrock. Avant 8h, tous les matins, le loser du morning. Et puis, bon, votre horoscope, ça c'est dans une minute, il arrive. Et Soprano, comme promis, c'est un feu, Soprano Baba, dans la. Kanye West. Your love is fading, I feel it. Son nouveau single, Fade. Hold up. Kanye West, album et single disponible uniquement en digital. Record à battre chez Conforama. Jusqu'au 25 octobre, des prix imbattables sur le meuble, la déco, le multimédia et j'en passe. Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Voir conditions sur Conforama.fr. Attention, le TGV magique va partir. Pensez à étiqueter votre balai et à museler votre dragon. Jusqu'au 10 octobre, laissez-vous ensorceler par les offres magiques SNCF. Toutes les cartes de réduction, enfants plus, jeunes, week-end et seniors plus, sont à moins 50%. Et pendant les vacances de la Toussaint, découvrez des surprises abracadabrantes dans les TGV. Offre soumise à conditions, plus d'informations sur sncf.com. SNCF. Et l'horoscope, c'est parti, votre horoscope de l'amour. Vas-tu avoir une bonne note ce matin ? L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Avant la prise en flag du jour dans le loser du jour. Avec le loser du jour dans un instant, on va faire l'horoscope de l'amour, les puissances amoureuses de tous les signes pour ce jeudi 6 octobre. Les voici sur Skyrock et on commence par les Capricornes. Comme toi, dis-toi. En effet, tu fais bien de m'interrompre, Cariole. Les Capricornes et les Béliers, on a 5 sur 5. Excellente forme physique, excellente forme mentale en ce jeudi. C'est trop beau. Vous ne passerez pas inaperçus. Ça commence déjà là. Capricornes et Béliers, super pour nous, 5. 4 sur 5, c'est la puissance amoureuse des Cancers et des Balances. En couple, votre partenaire va céder à tous vos petits caprices. Soyez capricieuses et soyez capricieux aujourd'hui. Et puis pour les célibataires, sortez aller vers les autres et vous ne serez pas déçus de ce jeudi. 3 sur 5, les Verseaux et les Poissons, c'est bien, vous serez diplomate et vous saurez créer l'harmonie dans vos relations amoureuses. 2 sur 5, les Sagittaires et les Scorpions. Un seul truc à faire aujourd'hui, tenir vos promesses et pas promettre des trucs que vous ne pourrez pas tenir. Et dans ce cas-là, la journée sera bonne, ne vous en faites pas. 1 sur 5, les Taureaux et les Lions, vous êtes un petit peu susceptibles aujourd'hui. Ne prenez pas les petites critiques comme des attaques personnelles, relativisez, tranquille. Et 0, c'est pour les Vierges et les Gémeaux. Petit conseil qu'on vous donne pour améliorer votre journée, les Vierges et les Gémeaux, n'essayez pas de changer les autres. Prenez-les tels qu'ils sont, ne vous fatiguez pas pour rien et vous verrez, vous ne perdrez pas de temps au moins. Vierges, Gémeaux, c'est 0 pour vous aujourd'hui, mais ça ira mieux demain, comme mais on oui. dit. Hein. Les prises en flag dans un instant avec notre loser du jour. Ah, il n'a pas eu de chance. Faut faire attention aux caméras de vidéosurveillance. Ah oui, puis il y en a de plus en plus. Donc conseil, faites gaffe. Juste après Soprano sur Skyrock. En direct de 6h à 9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. J'suis en feu. Ce soir tu me souris, même Monica Bellucci. J'suis en feu. J'ai sorti le gros gamin, ce soir j'suis prince de la vie. J'suis en feu. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. J'suis en feu. Ce soir je suis intouchable, je danse comme Omar Sy. J'suis en feu. Le soir le salut, même Michael Jackson me dit merci. J'suis en feu. Le DJ me fait une passe et boum dans la nuit car. J'suis en feu. Sors de la piste, fais une grande écart de Vanda. J'suis en feu. Je sens que je vais briller, ce soir je marche sur. J'ai l'impression de planer, regarder d'un hublot. Si tu me croises, rien peu. Si tu me parles, rien peu. Si tu me touches, rien peu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Je suis en feu. Ça sent le brûlé, ça sent le brûlé. Appelle les pompiers, je suis chaud. Je suis en feu. Soprano l'année prochaine en tournée dans toute la France avec Skyrock, à pas louper. On aura des places encore à vous filer. On vous en a filé d'ailleurs il y a 15 jours des places pour aller voir Soprano. Hein. Ouais, encore en bientôt. Ouais, et concert Skyrock a gagné aussi toute la semaine, toute la journée. Vous gagnez vos places pour aller voir Jul, c'est dans moins d'une heure. Vous gagnerez vos places, vous ferez retourner la roulette, ce sera très simple, je vous donnerai le top dans une heure tout à l'heure. Et vous irez voir Jul, c'est complet en plus, pratiquement partout. Hein, ah ouais, attention. Tournée Skyrock à pas louper, à pas louper tous les matins dans le morning. Le top lose, top win aujourd'hui, c'est un loser. Allez. Le loser du jour. Le loser du jour. Je vous ai demandé il y a un instant si vous aviez déjà été pris en flag en train de faire l'amour. Carriole, oui. Tu te mets les doigts dans la bouche, ça veut dire oui. Oui, oui, oui, plein de fois. Plein de fois, par qui? Bah, par des gens, une famille sur la plage, ouais. Derrière un petit fourré, on s'en était pas rendu compte en fait. Avec Romano? Ils étaient à 2 mètres. Oh, quelle horreur. Non, mais... famille, ça veut dire qu'il y avait des enfants. Ah oui, oui, non. Oh, les pauvres. Mais en fait, on est arrivé sur la plage, il y avait des roseaux. On s'est dit, tiens, on va se mettre derrière les roseaux. Ouais. Sauf que de l'autre côté des roseaux, on n'avait pas vu, il y avait une famille avec le parasol, la glacière, la totale, les gosses qui hurlaient, qui jouaient au ballon. Oui. Je veux une sucette comme la dame, papa. Achète-moi une sucette. Non mais après on a fait vite fait, oui, on a fait toutes les positions, on n'a pas fait le cabassoutre rentré non plus. On salue Kevailleur qui s'est fait choper en train de faire l'amour dans la voiture sur un chemin. À côté il y a un groupe de cavaliers qui arrivaient. Hop là ils ont tout vu. Ah bah ils étaient hauts en plus avec le cheval. Salut Kevailleur. Il y en a plein qui se sont fait choper. On salue Maris. Bonjour Maris. Un gros bisou à toi Maris. Ah mais il y avait aussi une fois en Italie, tiens, c'est là je viens de m'en rappeler. Mmh. On était dans une résidence. En fait on avait fait l'amour les baies vitrées ouvertes. Sauf que les voisins nous entendaient. En fait c'était une bande de potes. Et ils ont hurlé, va fond de coulo, va fond de coulo. Ouais, va fond de coulo. Ils vous ont encouragé. Ouais, c'était sympa. Bon, faites gaffe aux caméras de vidéosurveillance si vous faites l'amour dehors. Ah ouais, en plus, maintenant, ils en mettent partout. Donc, on va parler d'un All Black. Vous connaissez Aaron Smith? Non. C'est un All Black, un joueur de rugby qui a été privé de match parce qu'il s'est fait choper dans les toilettes de l'aéroport avec une jeune femme. Il a 27 ans, 54 sélections, grand joueur. Et il a été vu par des témoins. Oh, les balances. Entrer dans des toilettes pour handicapés à l'aéroport de la deuxième plus grande ville. Ouais, c'est les plus grandes des toilettes. Ouais, en Nouvelle-Zélande, ça s'est passé. Il est rentré avec une jeune femme. Il y est resté 5 minutes. Il est ressorti. Rapide, Aaron Smith, dis donc. Hein. Il est ressorti. Malheureusement, quelqu'un a balancé. Ils ont regardé la vidéosurveillance. Ils l'ont trouvé. Et le pauvre a été privé de match juste pour un petit coup comme ça. Oui, bon, il y a un témoin qui a entendu des bruits quand ils étaient aux toilettes. Et a priori, les bruits ne laissaient aucun doute. Oui. Quant à la... Aaron Smith était là. Il poussait des cris d'amour. Ça, c'est le haka des Néo-Zélandais. Ça c'est dans les toilettes, il était là. Oula, kamateka. Je crois qu'il y avait d'autres membres de l'équipe avec lui, c'est pas possible. Imaginez. Kamateka. Les filles, un mec vous fait l'amour, il fait kamateka. Donc c'est notre loser du jour, fallait pas te faire choper Aaron. Aaron Smith, privé de match, je trouve ça dur moi quand même. Aussi, bah, après il a le droit de se faire du bien. Dire dans les toilettes, ça devait être dur aussi pour la demoiselle. Ah bien aussi, dur, ouais. Bon, en 5 minutes, il a plié le truc. Moins long qu'une partie de rugby, moins long qu'une mi-temps de rugby. Ah ouais, c'est clair. Bon, Aaron Smith, notre loser du jour. Allez, on le salue, bon courage à lui et salut au rugbyman qui nous écoute. Akamateka. Ouais, on va parler football tout de suite. Question foot. Allez vite. La question foot pour le match des Bleus. Match qualificatif pour la Coupe du Monde. Ouais. Parce qu'on parle rugby, on parle foot et on a des places à vous offrir pour aller voir France-Bulgarie. Si vous voulez aller voir France-Bulgarie, eh bien c'est pour vous, c'est sur Skyrock évidemment. Petite question que je vous pose tout de suite pour France-Bulgarie. Restez bien là. Attention, voici le jingle et juste après la question c'est Skyrock t'offre France-Bulgarie. Demain soir au Stade de France. Petite question d'amour, petit nom d'amour, le petit nom que donne la femme de Griezmann à son chéri. Comment elle l'appelle? Si vous savez, balancez-nous des petits noms d'amour comme ça. C'est pas le même que tout le monde, Grizzy? Non, c'est assez original. Mais bon, tentez quand même le coup, elle l'appelle pas Grizzy. Comment la femme d'Antoine Griezmann, elle s'appelle Erika, elle, le surnomme dans l'intimité? Vos réponses au 41-759 ou sur l'appli Skyrock. Et on vous dit tout dans un instant sur Sky. 7h58. France-Bulgarie a gagné. C'est sur Skyrock, premier sur le foot. Assieds-toi, maman, je m'occupe de Oula, tout. Attention, mon chéri, ce couteau coupe très fort. Oui, maman. Et là, viens la salade, hein, mon choubiglou. Maman. Attention à ne pas brûler les trésors. Maman, je suis plus un gamin, j'ai 32 ans. Si j'ai pu m'offrir ma cuisine Ikea, je peux aussi l'utiliser tout seul. Il y a des choses que l'on aimerait ne jamais voir grandir. Chez Ikea, les prix restent petits toute l'année. Venez vite découvrir toutes nos cuisines à bas prix dans votre magasin Ikea. La nouvelle cuisine Calarpe bleu turquoise est à seulement 379€. Ikea. Leclerc. Tous avec moi, tous chez Leclerc. En ce moment, c'est l'opération super pouvoir d'achat avec les plus belles offres promotionnelles de tous les temps. Des réductions, du gratuit et du ticket Leclerc sur des centaines de produits. Le meilleur de toutes les plus belles promos Leclerc est là, réunis en même temps dans tous les rayons de tous les magasins Leclerc. Ah oui, quand même. Du 20 septembre au 29 octobre, les plus belles promos Leclerc sont toutes réunies chez Leclerc. Voir modalité dans les magasins participants. À l'attaque!

sur Skyrock. Attention, attention. En direct de 6h à 9h, c'est le morning de default sur Skyrock. Branchez bien les téléphones. 1 500 € à gagner dans un instant, c'est pour vous. Les places de foot aussi. Ah ouais, elles vont tomber. On va découvrir le petit surnom d'amour que donne la chérie d'Antoine Griezmann, Erika, sa femme. Elle a un petit surnom qu'elle lui donne dans l'intimité. On va découvrir ça juste après le point sur l'actu. Il est 8h04. Désolé du petit retard. Hein. Mais on est tellement excités ce matin qu'on n'a pas vu passer l'heure. On fait les infos très vite. Et on retrouve donc vos 1 500 €, la réponse et les places de foot à gagner. Et puis notre réveil de star, tout à l'heure, notre invité mystère. Plein de choses à faire. On en reparle tout de suite sur Skyrock. Et Skyrock, c'est nous, ouais. Mais tout de suite, votre météo. La météo, c'est parti, Rémi. C'est pas mal au nord et c'est un peu moyen au sud. Bah, t'as fait la météo, voilà. Merci. Il fait beau aujourd'hui. Alors, les infos maintenant. On a des orages possibles sur le pourtour méditerranéen encore cet après-midi. Voilà. C'est voilà. Et ce matin, déjà des nuages sur le sud-ouest, on nous disait. Exactement. Mathieu qui nous a laissé un message là. Ouais, tout à fait. Ouais, bah, ça va se décaler en fin de compte au fil des heures. Hein. Mmh. Et donc, les températures encore fraîches ce matin entre 5 et 15 degrés. Ce sera négatif avec moins 1 au Puy-en-Velay. Seulement un petit degré à Clermont-Ferrand de 14 à 23 cet après-midi. 17 en région parisienne. La pollution, c'est nickel. Tous les indices sont compris entre 2 et 4. Et les infos tout de suite, c'est parti. Et les États-Unis qui se préparent à l'arrivée de Matthew, c'est l'ouragan le plus puissant dans la région depuis une dizaine d'années. 4 états du sud-est dont la Floride sont concernés. Toutes les villes côtières ont été évacuées. Matthew a déjà fait 23 morts rien qu'à Haïti. Un bilan encore très provisoire car une partie de l'île est encore coupée du monde. Il y a aussi des disparus. Les élections présidentielles et législatives prévues dimanche sont reportées. L'accord de la COP21 en vigueur dans tout juste 30 jours, annonce faite par la ministre de l'écologie Ségolène Royal. Il fallait que le texte adopté en décembre à Paris soit ratifié par au moins 55 pays qui représentent plus de la moitié des émissions mondiales de gaz à effet de serre. C'est chose faite puisque 72 pays ont signé l'accord. Une journée historique pour notre planète et les générations futures selon Barack Obama. L'objectif, vous le savez, est de limiter à moins de 2 degrés le réchauffement climatique. Des violents affrontements hier soir en Corse. Ils ont opposé des jeunes nationalistes aux forces de l'ordre. Ce qui n'était au début qu'une simple manifestation s'est transformé en guérilla urbaine. Les heurts ont éclaté à Bastia. C'est la conséquence d'un procès qui se tient à Paris et qui implique 3 membres justement d'un mouvement indépendantiste. 4 policiers ont été blessés. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, condamne avec la plus grande fermeté des violences qu'il estime inacceptables. Un règlement de compte qui glace le sang au Blanc-Mesnil en région parisienne. Un homme d'une trentaine d'années a été tué par balle hier après-midi. Il se trouvait dans un restaurant quand le tireur a fait irruption et l'a visé délibérément. Le meurtrier a pris la fuite en scooter avec un complice. Une enquête a été ouverte. La victime était originaire de Drancy. Et le point sur le foot tout de suite. Ouais, avec le PSG, une nouvelle piste Paris qui s'y prend de bonheur là. Avant le mercato d'hiver, c'est comme ça qu'on fait quand on y est moyennement satisfait du précédent marché des transferts qui a laissé un goût d'inachevé. C'est Unai Emery maintenant qui est à la manœuvre. Il va peut-être continuer de piocher allègrement en Liga. Dernière piste en vue, le Basque Oscar de Marcos qui évolue à l'Athletic Bilbao, un joueur polyvalent qui est capable d'occuper tout le couloir droit, mais qui ne joue pas en sélection nationale. Problème tout de même, Chelsea est aussi sur les rangs et sa clause libératoire est estimée à 40 millions d'euros. Est-ce que Nasser El Khelaifi va faire un chèque ? Affaire à suivre. À suivre, merci Rémi. Il est 8h07 sur Skyrock. Hi, this is Rihanna. MSD dans le morning de Default. Hey, what's up, this is 50 Cent. You're now listening to my homeboy, Default. Hey, this is Justin Timberlake. Bienvenue dans le morning de Default. The morning show. 6h-9h sur Skyrock. Et oui, les stars sont là, mais vous surtout, vous êtes là. Bon réveil à vous, merci pour tous les messages que vous nous laissez. Ah, vous cherchez le petit prénom de Griezmann, le petit surnom de Griezmann pendant l'amour. Moretti nous dit Grizzy. Soussou. Mais le truc qui est revenu plus, c'est Grisou. Soussou nous dit Grisou. Commandant Baby nous dit Grisou. 91 Emeric nous dit Grisou. Ah ouais, t'as raison. Il y a raison. Julien. Ouais, mais même avant, il y a eu des, je sais pas combien de milliers de messages. Ah, peut-être un million. Ça fait plaisir. Un million, Romano les a comptés. Vous envoyez tout ça au 41-759. Il est là, notre gagnant. On va le prendre là. C'est Julien en direct de Pont-Sainte-Maxence. Tu vas nous donner, Julien, le petit surnom de Griezmann pendant l'amour. Bonjour, Julien, d'abord. Salut Diffoul, salut toute l'équipe. Salut Juju. Salut Loise. Loise qui est gâtée ces temps-ci sur Skyrock. On a offert 1 500 € dans Loise. C'est tombé hier matin à Lassigny. Je sais pas si tu connais, c'est juste à côté de chez toi, non? Ouais, c'est un petit peu loin quand même, mais ouais, je vois où c'est. Ouais. Et bah, c'est Kathleen, elle a gagné à Lassigny. Mais toi, tu vas gagner tes places de foot. Tu vas gagner tes places de foot. Le petit surnom de Grizzy. Pendant l'amour. Bah, c'est le petit gros. Le petit gros. Le petit gros, mais il est pas gros du tout. Bah, c'est peut-être son zizi. Ah, j'ai vu sur le net, il y en a qui discutaient de ça. Ils disaient, mais pourquoi elle l'appelle le petit gros? C'est peut-être qu'il a un petit zizi tout gros. Je sais pas. J'ai vu ça sur le net. Un petit rôti. Donc le petit surnom. Non plus. Le petit surnom d'Antoine Griezmann par sa femme Erika dans l'intimité, c'est petit gros. Et lui, il l'appelle la patronne. C'est la patronne. D'accord. Ah, il s'est maté. Eh ben, on apprend des trucs sur Skyrock. En tout cas, t'as eu la bonne réponse. Et tu gagnes tes places de foot pour aller voir France-Bulgarie avec Skyrock. Le match, c'est demain. Je vous remercie. Super cool. T'iras qui tu veux, t'as deux places pour toi. Et France-Bulgarie, c'est à suivre demain soir en plus avec nous dans la Radio Libre. Ça va être une grosse soirée à ne pas louper. Allez, les pour bien bleus. Terminer la semaine, il y a Romano déjà qui se prépare. Bravo Julien. Merci beaucoup. Salut à toi, merci Julien. Ciao. Salut Julien, bonne journée. Et à 8h09, on va vous offrir 1 500 euros. On a plein de cadeaux pour vous. Votre iPhone 7 tout à l'heure, on jouera. Ah tiens, on parlera, comme je vous le disais, des stars qui se font harceler ce matin. Il y a des stars qui sont là, on va parler des stars harcelées. Et une star peut-être à découvrir qui a eu un petit problème récemment, on s'en occupe. Mais avant ça... Bah c'est les 1500 euros là. Et oui. Tu le sais, tu as l'enveloppe. Non. Non mais c'est toi qui l'as. Je vais aller voir Romano si elle est pas dans quelque part vers toi. Bougez pas. D'accord. Une bonne nouvelle dès le réveil. Non. C'est Skyrock. 1500 euros dans ta poche. Oh putain, c'est trop bon. Maintenant. Tu vois, c'est bête Romano, mais regarde dans ta main droite. Ah, j'avais pas vu. Ah, bah, t'avais pas vu. Ah, comme je suis étourdi. Bien sûr, tu es étourdi. Ah, ouais, je suis toute bébête. 1500 euros à gagner, c'est parti. Alors. On va où? On va du côté de Marignane, dans le 13. Dans le 13. Et c'est Delphine Verne. Comme Jules. Comme Jules Verne, la classe. Ouais. Delphine Verne de Marignane. Et heureusement qu'elle a pas mis un G à la place du N, sinon ça craint. J'allais le dire. Verne. Oui, allô? Oui, madame Verne. Oui? Oui, bonjour Delphine, comment vas-tu? Non, c'est pas Delphine, c'est sa maman. Ah, bonjour la maman. Mais c'est pas grave, elle est sympa la maman aussi, hein. Bon, c'est comment ton prénom? Mon prénom, c'est Annie. Annie. Alors, Annie, écoute-moi bien, parce qu'on est en direct à la radio ce matin, Annie. Ah bon? Oui. Et ouais. Dans toute la France. À Marignane, mais partout dans la France aussi. Ça va, pas trop le track? Non, je sais pas, je suis surprise, mais. C'est déjà petite surprise du matin, on est comme ça, non, on fait des bonnes surprises. Parce qu'on t'appelle pour t'offrir 1500 euros, Annie. Oh. Ah, 1500 euros à gagner, il va falloir que tu me dises, Annie, si tu te plantes pas, tu gagnes. Hein. Quelle est ta radio préférée? Si t'as la bonne, les 1500 euros arrivent à la maison. Ah oui, mais je sais pas. En principe, j'écoute Chérie FM. Aïe. Ma petite chérie. Ouais. Annie, je vais te donner un conseil la prochaine fois. Écoute Skyrock. Première radio à Marseille. Toute radio confondue, tout le monde écoute Skyrock à Marseille. Il faut que tu écoutes Skyrock à Marignane. Mais oui. En plus, ma fille écoute Skyrock. Aïe. Moi, j'écoute Chérie FM, c'est vrai. Elle va t'engueuler, hein. Mais oui. Ne lui dis pas, oui. Ouais. Dis-lui pas qu'on t'a appelé, mais la prochaine fois, par contre, quand on t'appelle, tu réponds Skyrock. Et tu gagnes 1500 euros, Annie. D'accord, merci. On te fait un gros bisou, Annie. Bisous. Au revoir. Et t'es sympa, cette Annie. Bah ouais, on va envoyer un t-shirt Skyrock pour ta fille, elle va être contente. Merci, c'est gentil. Salut Annie, raccroche pas. Au revoir Annie. Salut Annie. Et dans une demi-heure, putain, il y a tout Marignane qui se réveille avec Skyrock. Regardez, Nadjuv, je suis de Marignane. Hector et Ecolino, et Tolino, qui est de Martigny, Marignane aussi. Salut à toi. Et on a du Martigny aussi. Ah bah, salut toute la région, salut toute la France, salut le monde. Salut le 13 et salut la France, t'as bien raison. Et le monde. Et le monde aussi, parce que dans un instant, 20 minutes précisément, on vous rappelle pour les 1500 euros. Ouais. Et on va peut-être aller chez vous. Dans un instant, c'est lui qui vient chez vous. Le réveil de star, la star du jour est... Philippe Etchebest. Et il débarque dans les restos sur Sky. En direct de 6h à 9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Ah, le temps d'écouter ce gros son, j'ai reconnu tout de suite. The Weeknd, avec les Daft Punk. Encore un son découvert sur Sky, c'est Starboy. I'm trying to put you in the worst mood. P1 cleaner than your church shoes. Really point to just to hurt you. All red lamb just to tease you. None of these toys on lease to. Made your whole year in a week to. Main bitch out of your league to. Side bitch out of your league to. House so empty, need a centerpiece. 20 racks a table come from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face. But I love my baby. Money need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch out my side, I like to get any lane. Switch out my core if I kill any pain. Look what you've done. I'm a motherfucking star boy. Look what you've done. I'm a motherfucking star boy. Every day a nigga try to test me, every day a nigga try to end me, pull off in that roadster SV, pockets overweight getting hefty, coming for the king, that's a far cry, I come alive in the fall time, the competition, I don't really listen, I'm in the blue moon song, bumping new edition, house so empty, need a centerpiece, 20 racks a table come from ebony, cut that ivory into skinny pieces, then she clean up with her face, but I love my baby. Money need a hearing aid. You talking about me? call if I kill any pain. Look what you've done. I'm a motherfucking star boy. Look what you've done. I'm a motherfucking star boy. So empty, need a centerpiece. 20 racks of table cut from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face. When I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch out my side, I take any lane. Switch out my car if I kill any pain. Look what you done. Le son de The Weeknd sur Skyrock, le nouveau son de The Weeknd, Starboy, avec les Daft Punk sur ce morceau. Dans un sens, c'est Macklemore. Ah, super, le thrift shop de Macklemore arrive. Ouais. Et attention, tout de suite, il est là. Ça va chauffer, hein, il est pas commode. Voici Philippe Echtebèche. Ça va chauffer en cuisine. Dans le réveil de Star. Oui, qu'est-ce qu'il fait? Alors, les stars réveillent la France. C'est le réveil de Star sur Skyrock. Ouais, réveil de Star, c'est parti. Allô? Allô, oui, Philippe. Bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Ça va? Ça va, moi ça va bien, Philippe. On peut manger ici ou pas? Ah non, manger ici, non, tu peux prendre un café dans la cuisine. On est dans l'appart, c'est tranquille, un petit café. Tu n'as pas de carte? Non, on n'a pas de carte. Non, on n'a pas de carte. De carte des cafés, je suis on a une carte de France, si tu veux. Oui, on a une carte de France, si ça peut t'intéresser. Oui. Ah bah, d'accord, très bien. Bon, Philippe Echtebèche, le cauchemar des restaurateurs. Cauchemar en cuisine, c'est l'émission qu'il fait sur M6. Exactement. Et on a décidé cette nuit, avant que les restaurants en ferment, d'appeler dans des restaurants avec Philippe Echtebèche. Pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, Philippe Echtebèche, il va dans des restaurants qui sont pourris, qui sont au bord de la faillite. Et tellement, en général, bon, c'est dégueu, la bouffe est ignoble, la cuisine est dégueulasse, les patrons sont au bout du rouleau. J'imagine qu'on va être bien reçu alors. Et lui, il est là pour coacher et remonter un peu l'affaire. Ouais, c'est de la merde. C'est lui, Philippe Echtebèche. C'est lui. Allez, et à 8h17, direction un restaurant à Marseille. On va voir qu'est-ce que ça a donné notre petit coup de fil à Marseille. Est-ce qu'il va être bien reçu? C'est l'heure de réveil de Star. Bonjour. Allô? Oui. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. On peut manger ici ou pas? Ouais. Vous avez pas de carte? C'est la carte. Tous les plats de la carte sont surgelés. Oh là là. Pourquoi du surgelé? Les avis du client, c'est quand même pas correct. C'est un petit peu trompé le client. Qui c'est là? Mon nom, Philippe Echtebèche. C'est Philippe Echtebèche? Ouais. Oui. C'est quoi le problème? Dis-moi, raconte à tonton. C'est vous le gérant du restaurant? C'est moi-même. Le restaurant est triste à mourir. Bon, ben viens me voir mon restaurant et après on en discute tous les deux en face. Tu sais c'est quoi ton problème? Tu veux que je te dise? T'es un peu trop sûr de toi. Il faut que tu fasses attention à ça, parce que ça peut te jouer des tours. Au lieu de faire attention à mon téléphone, tu viens devant moi et on en parle. Et donc on fait quoi? On verra si tu es vraiment Philippe Echtebèche ou Echtebèche, je viens, je te démonte. Là, tu vas droit au casse-pipe. Hein. Mais viens, je t'attends. Tu sais où c'est le Paloma? Je suis là, je travaille, je t'attends. Les défis, ça me fait pas peur. Mais viens alors, je te mets au défi, moi, justement. Ça va être dur pour toi, hein. Très très dur pour toi. Bah, tu sais quoi? Appelle Cyril Lignac, hein, et vous faites une petite partout tous les deux. Eh, hey, faut arrêter les conneries là-haut, faut arrêter les conneries. Putain! Je sais pas, tu bestes. Bah, appelle Cyril Lignac, et comment il s'appelle l'autre aussi, là? Le chauve, là, Philippe Constant, là. Ah, et vous faites une petite trousse, tous les trois. Hein? Ça vous dit? Et à un moment donné, moi, je veux bien rigoler de tes arguments et tes questions, mais à un moment donné, je peux rigoler non plus. Arrête le fenouil, hein. Arrête de le fumer. Ou alors, mets-toi dans le cul, je sais pas. Génial! Tu l'entends, là, le bruit de ma pelle, là? Tu l'entends? Oula. Non. Par contre, si tu viens, tu vas l'entendre, l'appel. Tu vas la prendre aussi. Dans le fion. Voilà, mission accomplie. Je suis un homme heureux. C'est quoi, regarde? À trois, on raccroche tous les dents, t'as d'accord? 1, 2, 3. Attention. Je peux partir tranquille maintenant. Ah, bah oui, tu peux, là. Eh bien, voilà, super le Paloma, dites donc, là. C'est bien, il s'est bien défendu, il a bien défendu son resto. Fais-lui dans le cul. Ah, ça, c'est la nouvelle recette de Philippe Echtebèche. C'est le plat du jour. Tu mets un Philippe Echtebèche, tu lui mets du fenouil dans le cul, tu as le plat du jour. Magnifique. Pas mal. Et c'est pas surgelé, en plus, hein. Non, c'est du frais. Voilà, c'est bien défendu. Et puis, n'oublions pas la partouze avec Cyril Lignac qui est Constant également. Ouais, c'est ça. Bien. Ça, c'était un jury de Top Chef à l'époque. Parfait. Bon, on était dans Top Chef, dans ton cauchemar en cuisine. Il y a eu Cyril Lignac qui a été cité. C'est du lourd ce matin. matin. Et bravo le Paloma et bravo Philippe Echtebèche. Et dans un instant, j'espère que c'est à vous qu'on va dire bravo. Il y a l'iPhone 7 à gagner. Les stars réveillent la France. Mon nom, Philippe Echtebèche. C'est le réveil de stars sur Skyrock. Can I go more? Can we go thrift shopping? What? I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm looking for a come up. This is being awesome. Now, walk into the club like, what up? I got a big. I'm just pumped. I bought some from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, damn, that's a cold ass honky. Rolling in hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pink, set my gator shoes. Those are green draped in a leopard mink. Girl standing next to me. Probably should have washed this. Smells like R. Kelly sheets. Piss. But it was 99 cents. Copping it, washing it. About to go and get some compliments. Passing up on those moccasins. Someone else has been walking in. Bummy and grungy f***ing men. I am stunting and flossing and saving my money. And I'm hella happy that's a bargain. I'ma take your grandpa style. I'ma take your grandpa style. No, for real. Ask your grandpa, can I have his hand-me-down? Velour jumpsuit and some house slippers. Dookie brown leather jacket that I found. Dig it. They had a broken keyboard. I bought a broken keyboard. I bought a ski blanket. Then I bought a kneeboard. Hello, hello, my ace man, my mellow. John Wayne ain't got nothing on my fringe game. Hell no. I could take some pro wings, make them cool, sell those. The sneakerheads will be like, ah, he got the Velcro. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is being awesome. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is being awesome. I'll wear your granddad's clothes. I look incredible. I'm in this big air coat from that thrift shop down the road. I'll wear your granddad's clothes. I look incredible. I'm in this big air coat from that thrift shop down the road. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is being awesome. Is that your grandma's coat? Macklemore sur Skyrock, Macklemore avec Thrift Shop à 8h22, c'est l'heure. Hein. C'est l'heure de gagner maintenant avec un sport mystère à découvrir ce matin. Notre invité est carrément un sport. Ah ouais. Carrément. Oui, il faut découvrir le sport mystère et on va parler des stars qui se font harceler, les pauvres. Les stars se font harceler par des fans. Ou alors par des complètement tarés. On a les deux. Il y en a aussi, oui. On vous présentera ça dans un instant, mais tout de suite, invité mystère et vos réponses qui arrivent très vite au 41-759. Sur l'appli Skyrock aussi, vous téléchargez l'appli, vous nous envoyez vos messages, c'est gratuit. Vous allez pouvoir découvrir le sport mystère tout de suite. L'invité mystère. Ouais, du lourd, parce que c'est vraiment un sport qui est notre invité mystère. Ouais. Ça. Écoutez bien. Oh. Oh. Mais c'est chaud. Oh. Oh. Oui. Qui que c'est comme sport? Vous avez trouvé? Oui, bah, c'est bah, un film oui. de cul, oui. Ah bah non, bah non, c'est pas un film. Ah, sport en chambre. C'est pas du sport en chambre. Non, sport en chambre. Non, c'est un vrai sport. Un vrai sport. Bah ouais, sport olympique, des tournois, des machins, des trucs, y a tout dans ce sport mystère. Quel est le sport mystère? Ça me rappelle ma nuit, moi. Ça c'est dingue, quand même. Bon, à vous de découvrir ça très vite, facile, hein. Oui. Très facile, faut aller très vite au 41-759 ou sur l'appli. Laissez vos réponses et dans un instant, on vous parle des stars qui se font harceler. Et il y a une star de ce sport qui se fait harceler, on en reparle tout de suite, c'est tombé hier. C'est tout neuf, vous apprenez tout, vous sautez tout sur Skyrock. Il est 8h23. Niska. Après le tube Mustapha Jefferson, découvrez le nouveau single de Niska, Elle avait son Joe, featuring Maître Gims. Niska, son premier album, Zifukoro, toujours disponible. Pour vous, Conforama bat tous les records. Jusqu'au 25 octobre, profitez des prix imbattables comme le lien métal Anna 140 cm à 69,99€ seulement. Ah, les records à battre Confo. Qui fait mieux? Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Voir conditions sur conforama.fr.

769 je crois on le dit dans la bande annonce de l'émission là. 749, bon, plus de 700 euros, ouais. Pour toi c'est zéro, c'est gratuit, tu l'as gagné ce matin sur Skyrock, bravo Seb. Merci à tous, merci à toi Seb. Alors oui, il faut quand même que je vous raconte la petite histoire d'Andy Murray qui se fait harceler par une femme de chambre, qui est carrément entrée pour le caresser pendant qu'il dormait. Mais il a dû flipper quand même. Si, alors il explique, hein. J'avais la pancarte ne pas déranger sur la porte, mais elle est rentrée, elle s'est assise sur mon lit et a commencé à me caresser alors qu'il était autour de 7h du matin et que je dormais encore. Vous imaginez, vous êtes dans votre chambre d'hôtel et vous avez Bobonne, femme de chambre. Oui. Parce que bon, on a eu la photo de la femme de chambre, c'est pas super. Oui, c'est pas Miss Monde. Non, c'est pas Miss Monde. À mon avis, elle est femme de chambre depuis au moins 50 ans. Ouais. Elle a de la bouteille, quoi. Très, très excitée et ça s'est passé en Espagne. Ah, mais il a dû flipper, hein. Voilà. Et elle le suit partout dans les hôtels, elle l'a suivi aux Pays-Bas, elle l'a suivi en Espagne, partout. Ah ouais, c'est ça. Ouais, c'est une vraie dingue, en fait. Ouais. Et bien, alors, faites attention à Miss Star qui nous écoutait ce matin. Et puis, alors, Justin. Justin, lequel? Bieber, Timberlake. T'as qui, Romano? T'as Bieber? Bieber, ouais. Vas-y. Alors, c'est une fille qui s'appelle Dana Martin. Elle s'est fait, bon, déjà, elle est amochée, celle-là. Pourquoi? Elle s'est fait tatouer le visage de Justin Bieber. Oh, c'est mignon. Et en fait, elle avait engagé deux mecs pour le kidnapper lors d'un concert. Pourquoi faire? Pour l'avoir tout à elle? Non, elle voulait l'assassiner et le castrer. Hein? Ah ouais, parce qu'elle avait, elle voulait plus qu'il fasse l'amour avec d'autres filles. Ouais, c'est ça, ouais. Complètement amochée. Elle voulait qu'elle soit qu'à lui, la Dana Martin, là. Voilà, elle voulait repartir avec son zizi. Oui, c'est ça. Justin Bieber, attention à tes coucouilles, hein. Oui, j'allais bien. Fais gaffe. Justin Timberlake, lui, bon, c'est sympa. Regardez, une fan de 48 ans, folle de son corps, qui s'infiltre régulièrement dans sa résidence privée. Il en peut plus, Justin Timberlake. Bah, tu m'étonnes. Il a augmenté la sécurité autour de sa maison. J'ai un truc sur Rihanna, moi aussi, tiens. Oh, oui. Et ouais, elle reçoit plein de petites vidéos. C'est un fan qui lui envoie régulièrement des vidéos, pratiquement tous les jours, des vidéos de lui, dans lesquelles il se masturbe devant chez elle. Oh, c'est sympa. Donc elle aussi, elle a augmenté la sécurité devant chez elle. Vous imaginez, vous avez un mec qui vous envoie des photos, les filles, de devant chez vous, en train de se... C'est horrible. Ah bah tiens, il y a dans le même genre l'actrice Gwyneth Paltrow. Ouais. Là, elle, c'était un fan, il était pizzaïolo, il a envoyé des centaines de pizzas avec des photos porno à l'intérieur. Bah au moins, ça lui faisait quelque chose à bouffer. Hein. Bah ouais, sympa, ouais, mais voilà la sauce de la pizza. Et vous voyez Wolverine dans X-Men, c'est Hugh Jackman. Ouais. Jackman. Hugh Jackman, lui, c'est une femme qui le poursuit avec un rasoir. Pourquoi? Parce qu'elle le trouve pas rasé d'assez près. Ouais, ou qu'il est ravagé aussi. Elle est pas mal non plus. Ouais. Bah en tout cas, c'est pratique si vous êtes un petit peu à la bourre, vous êtes une star, il y a vos fans. Vous rasez dans la rue. Vos fans qui vous rasent. Donc attention les stars. Et donc Andy Murray, c'est la dernière star harcelée par la femme de chambre qui débarque directement dans sa chambre d'hôtel et qui se met à le caresser. Je te caresse le bras. Oui. En tout cas, bravo Sébastien, tu salues toute l'Auvergne et tout clairement pour nous. Et l'iPhone 7 arrive à la maison. Ouais. Salut, okay. Salut Seb. Salut. Ciao. Salut l'Auvergne. Oui, et Seb a gagné. C'est pas fini. Dans un instant, c'était de vous qui gagnerez. Alors, on passe à 1500 euros. Ouais. Qui gagnerait le gros chèque de 1500 euros. Il faut répondre Skyrock. C'est juste après les infos. À 8h32, le point sur l'actu. C'est avec Rémi. Yep. L'actu, le sport, bien sûr. Dans un instant, Alonso. Ah, pitié, on écoutera Justin Timberlake aussi. On en parlait. Très bien. Le harcelé. La météo pour démarrer. Eh ben, c'est un peu moins bien que les jours précédents. Le temps reste ensoleillé, c'est vrai. Sur une large moitié nord. Mais on a une nouvelle perturbation qui arrive. Aujourd'hui par le sud, du coup, bah forcément de la grisaille, des averses par endroits et même des orages possibles cet après-midi, mais plus dans le sud-est, autour de la Méditerranée et en Corse. Les températures encore bien fraîches, entre 5 et 15 degrés, 1 degré à Clermont-Ferrand, vient de le dire, moins 1 au Puy-en-Velay, et puis cet après-midi de 14 à 23, 17 en région parisienne. Enfin, la pollution, bah c'est nickel, les indices compris partout, entre 2 et 4. Et l'actu, toute l'actu et tout le sport. La durée de vie humaine a-t-elle atteint ses limites? Eh bien oui, selon plusieurs scientifiques qui se sont penchés sur la question de manière très sérieuse et qui viennent de publier une étude. Il apparaît peu probable que notre corps nous permette de vivre aussi vieux que Jeanne Calment, ou tout du moins jusqu'à 105-110 ans. L'espérance de vie n'a pas cessé d'augmenter au cours du siècle dernier, mais là voilà, on semble arriver au bout du chemin. Reste tout de même un espoir, l'avancée de la médecine. Les chercheurs estiment qu'il faudra modifier notre code génétique dans le futur pour prolonger notre vie, mais là, on est loin d'y être. Alain Juppé qui accentue encore son avance sur Nicolas Sarkozy, selon un sondage Harris publié aujourd'hui. Le maire de Bordeaux prend un bon bol d'air frais, hein. Un mois et demi du premier tour de la primaire de la droite et du centre, il est crédité de 39% d'intention de vote contre 35% en faveur de l'ancien président. Reste à savoir qui seront les votants. François Fillon a appelé hier tous les électeurs à s'exprimer, qu'ils soient aussi bien de gauche comme de droite. Une belle prise de la Marine nationale. Les militaires ont saisi 120 kilos de drogue hier en mer des Caraïbes. Ils sont intervenus après un GoFA C'était un rendez-vous avec un navire de pêche vénézuélien. L'équipage a carrément jeté les stupéfiants par-dessus bord avant de prendre la fuite à toute vitesse. Depuis le début juillet, plus de 3 tonnes de drogue ont été saisies dans la zone maritime des Antilles. Ils vont s'éclater au commissariat là aujourd'hui. Ah oui, ça c'est clair, ils vont compter. Ouais. Deux policiers attaqués à l'arme blanche hier à Bruxelles. C'est lors d'un contrôle que l'individu a sorti un couteau. Les jours des deux policiers ne sont pas en danger. Les autorités soupçonnent un acte terroriste. L'agresseur serait un ancien militaire connu de la justice pour ses contacts avec des combattants partis en Syrie. On parle sport maintenant, foot, et il y a des matchs internationaux d'ailleurs ce soir avant le match des Bleus demain. Exactement, la suite des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2018, on attend avec impatience le France-Bulgarie et de demain. D'ici là, les Bleus ont encore un petit peu de temps pour s'entraîner à Clairefontaine autour du coach Didier Deschamps. Pas mal de matchs à suivre aujourd'hui, dont un très intéressant Italie-Espagne, ce sera à 20h45. On suivra ça dans la radio libre ce soir, hein. Pas louper Italia-Espagne. Forza Italia. Oui, Forza Espagna, ça marche pas. Comment on dit aller l'Espagne? Go España. Go. Oui, tu le fais en anglais. Bah ouais. Go la España. Vamos trabajar. Ça veut dire on va travailler, non? Voilà. C'est le seul truc que je sais dire. Ouais, mais il est très content. Oui, parce que je trouve que je le dis bien. Ah ouais, grave. Ah, je te le refais juste pour toi. Vas-y. Vamos trabajar. Très bien, merci Rémi. Voilà. C'est fini? Oui. C'est fini. Voilà, le balcon est par là, si tu veux sauter. Il est 8h35 sur Skyrock. En direct de l'appart. The Morning Show. C'est le morning de default sur Skyrock. The Morning Show. Et le seul morning qui vous offre 1 500 € toutes les demi-heures, c'est sur Skyrock tous les matins. J'ai l'enveloppe que je vais ouvrir dans un instant. Puis on parle d'argent. Non, on va parler même banque ce matin. Ouais, c'est ça, les banques. Oui, ça coûte cher. Les banques et les cartes bleues. Ah oui, les frais explosent. Ah. Tiens, dites-nous dans quelle banque vous êtes et si vous savez le prix que vous coûte votre carte bleue à l'année. Moi, j'ai une banque, ouais. Putain, moi j'en ai eu plein, moi. Cher, Romano il a testé. C'est pour ça que je dis ça, parce qu'Romano il a testé plein de banques. Ah bah moi j'ai été chez qui? J'ai été chez LCL. Ouais. HSBC. Ouais. BNP. C'est ça les riches. AXA Bank. Ouais. Et là je suis de retour chez LCL. Crédit Agricole, non t'as pas fait? Non, pas encore. C'est bizarre que t'as pas fait. Mais Crédit Agricole de Bourgogne. Je peux. Crédit Agricole de Saône-et-Loire. Et s'ils me font des bonnes offres, moi je suis prêt à changer de banque sans aucun problème. Donc tu vas nous dire dans quelle banque les cartes bancaires sont-elles les moins chères, c'est ouais, ça? Ouais, c'est ça. Les cartes bancaires internationales, c'est-à-dire les cartes premiers, quoi. Ouais, les cartes que tu peux utiliser quand tu vas aller. Ah oui, les cartes de paiement, ouais. Bien pratique. Ouais, ouais. Comme ça, tu vois pas l'argent partir, tu peux dépenser beaucoup plus. Bon, on s'en occupe et avant ça, on va s'occuper de remplir votre compte en banque, nous, maintenant. 1 500 € à gagner. Oui. Si ton téléphone sonne, réponse Skyrock. Skyrock. Localisation du gagnant des 1 500 €. Ah, j'ouvre l'enveloppe et je vous localise le gagnant tout de suite. Le gagnant est bordelais. J'espère, en tout cas, que c'est un gagnant. On va à Bordeaux, en tout cas. C'est parti du côté du 33 en Gironde, à Bordeaux. Et on appelle la famille Babin, Sophie Babin. Ah, okay. Putain, on en connaît un en plus. Ouais, tu connais un Babin? Ouais, je connais un Babin, ouais. Mais là, on est où? À Bordeaux. Mais c'est un surnom qu'on connaît, nous. C'est non, c'est son nom de famille. Ah, je savais pas. Ah, est-ce que c'est votre copain? Bah, déjà, il s'appelle pas Sophie. Le copain Babin. Allô, Sophie? Sophie? Sophie Babin? Oh, fais du boudin, Sophie Babin. Elle veut pas parler au téléphone. Bah, faut parler. Oui, parce que dans ce cas-là, ça ne sert à rien d'avoir un téléphone, ça, c'est sûr que. Ouais, bah là, ouais, c'est. Elle vient peut-être de l'avoir, découvre. Comment ça marche, ce nouvel appareil? Il y a une boîte qui te parle. Oui. Il y a un type, il est dans la boîte. Comment il fait pour rentrer à l'intérieur? Il y a quelqu'un chez moi. Désolé pour Sophie Babin. Mais par contre, bravo. Ah, hey, oui, ils ont gagné ce matin, dites donc, là. Ah, bah, c'est déjà tombé, ouais. Bravo à Soufiane. Écoutez bien, Soufiane et son pote. Écoutez bien où il était, Soufiane, quand il a répondu. En direct de Dijon. On est en direct à la radio, Soufiane. Oui. Oui. Attends, ne crie pas tout de suite, Soufiane. Oui. On va d'abord te demander quelle est ta radio préférée. Ma radio préférée, c'est Skyrock. C'est gagné. Ouais. Dijon représente ce matin. Soufiane, tu viens de gagner 1 500 € en direct sur Skyrock, en direct des toilettes, ça c'est magnifique. Bravo. Magnifique. Yalla. En tout cas, il était pas tout seul dans les toilettes. Vous avez entendu, hein. Sofiane, 1 500 € pour lui, répondez Skyrock et ce sera pour vous, c'est dans la poche, c'est facile. Et ça c'est Alonso sur Sky. Binda dans sa vie, elle consomme les hommes des autres sans aucun remords. Elle a pris du galon, en train de chicha en chicha, mais plus dans les blocs. Sa physionomie, elle est plutôt jolie, donc elle surjoue de son corps. Elle te fera pigeonner jusqu'à ta mort. Tellement t'es con, t'en veux encore. Oui parce qu'elle est bonne, t'en voudrais encore. Et quand elle déboule sur la piste de danse, tout le monde voudrait la follow. Analyse le matos, mon poteau, pour la soulever, faut plus qu'un permis moto. Elle t'a donné soif, tu veux la consommer, consommer son boule, c'est de l'eau. Elle t'a fait trop mal, ce bout. On appelle de la nuit, c'est une bomba, c'est une kamikaze. Soleil de minuit, elle fait tomber les enfants semblables. Elle provoque des bagarres, que sa langue dans sa bouche. J'ai bien capté ses manigances, elle ne m'emmènera pas dans sa douche. Elle voit que le côté finance, un euro tu n'as pas, elle trace sa route. Le smic est resté assez minable, elle cherche des foutes qui posent du lourd. Et quand tu consultes ton portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent, toi tu veux ta place et tu rêves, t'es fou. Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent, toi tu veux ta place, mon pote, tu rêves debout. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. Elle vit la nuit, c'est une bombe, c'est une kamikaze. Soleil de minuit, elle fait tomber les gens sous son plat. Des bagarres, elle est dans le cœur de tous mes scores. Comme Marseille à Paname, on lui veut la pendaison comme ça. Soleil de minuit, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta. C'est forme animale, te donne la dalle. Toi comme un chasseur, tu voudrais la battre. T'auras du mal, la petite est maligne, elle va te dépouiller, ça y est, elle est là. Ses formes animales te donnent la dalle. Toi comme un chasseur, tu voudrais la battre. Ma, ma, elle va te dépouiller, ça y est, elle est là. C'est une bombe, c'est une kamikaze. Soleil de minuit, elle fait tomber les gens sous son blabla. Elle provoque des balles, car elle est dans le cœur de tous mes scores. De Marseille à Paname, on lui veut la pendaison comme ça. Sur Skyrock, Alonso à 8h41 et on va passer aux conseils pas chers tout de suite. Les conseils pas chers qui concernent tous ceux qui ont une carte bancaire. Bon, c'est-à-dire à peu près tout le monde. Oui, à peu près tout le monde. Tiens, on salue ceux qui bossent en banque ce matin. Il y a Audrey, 28 ans, qui nous a envoyé un message. Salut Audrey, je travaille en banque, tu vas me plomber la journée, Romano, entre les prix des CB, les renégociations de prêts immobiliers. Mon Dieu, bon courage à toi. Et on vous a demandé dans quelle banque vous étiez. On a toutes les banques de France, hein. Des Crédit Agricole, Société Générale, Under Team Romano qui me dit je suis Fortunéo. Ma carte, ma carte World Elite me coûte 0 euro. Ouais, c'est vrai, les banques en ligne, c'est pas cher. Ouais. Et je suis également chez Bourseau, pareil. Et pareil, ouais. 0 euro. Crédit Agricole, 23 euros par an. Vive les offres jeunes Crédit Agricole. Romano, une petite cure de jeuvance? Non, mais de toute façon, moi je te suis. La dernière fois, quand j'ai changé de banque, là, que je suis retourné chez LCL. Ouais, parce que Romano, il fait des allers-retours. Ouais, parce que. Faire les cons. J'en négocie des trucs, bon. La nana me dit, il faudrait prendre une première, monsieur. Ah. Et je fais, elle est gratuite? Elle me dit ah non je peux pas, mais elle nous a fait une super offre, on a une offre duo avec Carriole, on a chacun notre carte, les deux cartes pour le prix, même pas d'une. Ah non mais je lui dis, monsieur, elle me dit, je fais moi la première, je la prends, c'est gratuite. Regardez comme il est tout excité quand il nous raconte ouais, ça. Ouais, c'est fou. Hein. C'est fou quand on parle d'argent. Hein. On J'adore négocier. Carriole, elle en pouvait plus. On était au rendez-vous, ça a duré deux heures. Plus, ouais. Tous les trucs qu'elle me proposait, je négociais les tarifs. Mais ou quand c'était trop cher, je les prenais pas. Hey, j'espère que Mimi, parce que je voulais te saluer, Mimi qui nous écrit, qui travaille à la caisse d'épargne. J'espère qu'il viendra pas te voir, Romano, c'est un relou. Hein. Il te bousille ta journée. Hein. Bonjour, Oriane de chez AXA Bank. Elles sont remboursées si tu fais 6000 euros d'achat. Ouais, c'est vrai. Ça, j'ai été chez vous, AXA Bank. Qu'est-ce qui s'est passé? À bordel. Bon. Ah non mais incroyable. Alors déjà j'ai un crédit immobilier. Oui. Je le fais racheter par une autre banque. Donc la banque envoie un chèque à AXA. Il est déchaîné. Hein. Et là AXA perd le chèque. Oh, le chèque est perdu. Non mais et c'est à dire que je me retrouvais à payer mon crédit mais deux fois. Et AXA il disait on retrouve pas le chèque. Coup de pression d'LCL, bizarrement ils ont retrouvé le chèque. Et pareil avec mon assurance habitation, il n'arrive pas à la résilier, il ne retrouve pas les papiers. Carriole elle en peut plus parce qu'il lui raconte ça, c'est le lot quotidien de Carriole, toute la journée il parle que de ça. J'ai une tête comme ça. Ouais bah écoute, t'as qu'à t'en occuper aussi. Ah non. Gars, on a quelqu'un qui est chez LCL, tu peux les remercier, ils t'ont aidé. Oui merci LCL. C'est Soso, la banque postale, 20 euros nous dit Adrien pour la carte bancaire. Alors t'as le classement des cartes les moins chères, Romano. Ouais, c'est ça. Écoutez bien, écoutez bien. Alors la moins chère, bon c'est une moyenne hein, parce que parce qu'après c'est avant négociation comme moi je peux le faire, mais n'hésitez pas à négocier d'ailleurs, c'est ce qu'il conseille hein. Ceux qui travaillent en banque doivent être contents hein, d'être décrité. Il est en train de vous créer des futurs relous, Romano. Les auditeurs de Skyrock vont être des relous et vont faire des économies. La moins chère, c'est le Crédit Mutuel. Oh, ah, bravo le Crédit Mutuel. Le Crédit Mutuel, ouais, c'est pas cher. Bah, salut le Crédit Mutuel. Eh oui, bravo Crédit Mutuel, c'est pas cher. Je vais peut-être venir chez vous si vous me faites une offre exceptionnelle. Oh là là. Très bien. N'hésitez pas, amis du Crédit Mutuel, envoyez un message directement à Romano. Ah ouais, mais si vous êtes conseiller, on peut prendre rendez-vous. Hein. Oui. J'adore moi, aller dans les banques. Deuxième moins chère, c'est la Banque Postale. Ouais. Troisième, le Crédit Agricole. Très bien. Quatrième, le Crédit Agricole. La Caisse d'Épargne. Ensuite, Banque Populaire. LCL. Ce matin, je les appelle tous. Non, mais je te jure, non, mais attends, LCL, vu que je suis chez eux, je vais dire, baissez-moi le prix, sinon je m'en vais. Ouais, faites comme le Crédit Mutuel, moins cher. BNP Paribas, ensuite, et ensuite, c'est la Société Générale. Bon, après, il y a toutes les autres banques. Qui sont encore plus chères. Ouais, qui sont encore plus chères, ouais. Voilà, donc les moins chers, vous les avez. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, je vais appeler les gens. Pourquoi faire? Et puis, je vais les escroquer. Ah bah, évidemment. Pour changer. Eh bien, c'est parti. Les frais bancaires ont augmenté chez les gens. Oui, et je suis obligé d'aller chercher l'argent. Ah, bah, ça, c'est sûr. Oui. Ah, bah, ouais. Le prix de la carte bleue a augmenté. Et il y a un nouveau truc très à la mode. C'est quoi? C'est les frais, ils appellent ça traitement de compte. Ah mais en fait, ça ne correspond à rien. Faites attention. Frédéric. Allô? Allô? Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, Frédéric. Oui. Oui, c'est votre conseiller bancaire à l'appareil, monsieur Lapince. Connais pas. Eh oui, bah je suis nouveau dans la société. Et je vous ai appelé ce matin parce qu'on a un petit problème sur votre compte. Oui. On a des frais de traitement qui n'ont pas été payés. Oui. Oui, donc vous nous devez 53,28€. Oui, bien sûr. Et on a également la carte bleue. A priori, il y a un problème. Vous n'avez pas payé la cotisation assez chère. Donc vous nous devez 200€. Ça va, 250€, on pouvait arrondir à 300. Ouais, on va arrondir à 300 du coup. 300, ah oui. Ça. Allô, étant donné que vous êtes un bon client. Excuse-moi, Romano, je crois que j'aurais tu pas dû un arrondir. Peu emballé sur les tarifs. Non, mais jusqu'à les 250, ça allait. Oui, oui, ça ne lui posait pas de problème. T'as jusqu'au 250, plus précisément, ça allait. Ouais. Bon, allez, c'est reparti, envoyez l'autre carte. T'en veux un autre? Un autre client, pardon, une autre carte. Ah, lui, il a eu peur, lui. Ah, une autre carte. Envoyez-moi une autre carte. Envoyez un autre client. Non, t'en as déjà plein des cartes. Il voit des cartes partout. Romano est comme mon mec. Il arrête pas de parler de ça. Il négocie tout le temps avec sa banque. Nous dit Virginie sur SMS. Ouais, c'est relou. J'en peux plus, elle nous dit. Allô? Ah, mais non, mais des fois, tu t'es. Allô? Allô? Patrick? Allô? Oui, bonjour, c'est la femme à Patrick? Oui? Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, monsieur Lapince, votre conseiller bancaire à l'appareil. Oui, c'est vous qui venez de m'appeler, là? Oui, excusez-moi, on a eu un petit problème au niveau du standard dans l'agence bancaire. Je vous appelais, j'ai détecté une anomalie sur votre compte. Quelle banque? Votre banque. Oui, mais laquelle? BNP. Ah bah désolé, je ne suis pas la BNP. Ah non, mais c'est Crédit Agricole. Crédit Agricole? LCL? Non, je vous laisse. Banque Postale, Caisse d'Épargne. Putain de merde. C'est sûr qu'elle allait poser la question à un moment donné. Crédit Agricole, Caisse d'Épargne, Banque Populaire, LCL, BNP, Société Générale. Arrêtez-le, elle est fou. Arrêtez-le, c'est un malade. Bon, en tout cas, c'est bien tes renseignements là. Voilà, faites attention et négociez, n'hésitez pas. Et puis regardez tous les autres frais aussi, parce qu'il n'y avait pas que les frais de carte bancaire là. Non, mais c'est le nouveau truc, c'est frais de traitement de compte. Mmh. Alors en fait, il y a une association qui a été demandée aux banques, mais ça correspond à quoi? En fait, dans les trois quarts des banques, ils disent bah, ils savent pas trop, mais par contre, ils vous les font payer. Bien sûr. Bah évidemment. Bah évidemment, attends. Ouais, alors il y a des banques qui disent ouais, c'est pour la sécurité. Ça coûte plus cher, on est obligé de porter les tables. Elle a bon dos la sécurité. Ah, elle a bon dos, elle a bon dos. Bon, la compile du morning, elle arrive. Ah, compile avec les phrases qui énervent le plus les Français. Ouais. Alors ça, il y a un truc, un petit classement qui a été fait. Les phrases qu'est-ce que c'est les phrases qui peuvent vous énerver, moi? Allez. Non, mais les phrases toutes faites, genre tiens, quand tu te fais larguer, oh, t'inquiète pas, une de perdue, 10 de retrouvée. Ouais, quand t'es en galère, je sais pas, que t'as pas de meuf par exemple. Alors, tu es encore célibataire? Ouais. Alors, ça t'énerve. T'as pas trouvé de copine? Alors, toujours pas d'enfant? Alors, que juste pas d'enfant? C'est vrai. Bah alors, faudrait s'y mettre quand même. Alors, ça tourne. Bon, les phrases qui vous énervent, on y revient tout de suite. La compile du jour, la compile du morning, elle arrive. L'horoscope du morning aussi. Bah, l'horoscope, c'est tout de suite. Hein. Dans une minute, votre horoscope de l'amour. Et Justin Timberlake, on l'avait promis, c'est pour Can't Stop the Feeling. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô, patron? Bon, alors cette foire au poisson Lidl? Eh ben, elle va vous emboucher un coin, hein. En ce moment, les moules de bouche au IGP Origine France sont à 4,99€ la barquette d'un kilo 4. 4,99€ les moules de bouche chez Lidl? Moins de 5€? C'est ça, oui. Ah, vous êtes vraiment bouché, patron, hein. Ça nous fait du 3,56€ le kilo. Et là, sûr qu'ils vont déplacer les foules avec ces moules. Là, tu me saoules, hein. On est vraiment mal. Oh, très moule, oui. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Offre valable jusqu'au samedi 8 octobre. Pour votre santé, bougez plus. Marionneau. Plus que quelques jours pour profiter des jours uniques chez Marionneau. Profitez de 25% de réduction exceptionnelle sur tout le magasin et l'institut. N'attendez plus pour vous faire plaisir. C'est le moment de craquer pour tous les parfums, le maquillage et les soins qui me font envie. Offres et conditions sur marionneau.com. Marionneau, la beauté qui me ressemble. Il y a Moretti qui nous dit une phrase toute con qui m'énerve, t'as pris du poids. La compile avec les phrases qui énervent le plus les Français, c'est dans un instant, mais tout de suite, c'est l'horoscope. Vas-tu avoir une bonne note ce matin ? L'horoscope de l'amour sur Skyrock. L'horoscope de ce jeudi 6 octobre, la puissance amoureuse de tous les signes. La voici, la voilà, les Vierges, les Gémeaux, zéro. Petit conseil pour vous, n'essayez pas de changer les autres aujourd'hui, vous allez perdre votre temps. Prenez-les tels qu'ils sont, vous fatiguez pas pour rien. Voilà un petit conseil qu'on peut vous donner. 1 sur 5, puissance amoureuse des Taureaux et des Lions. Vous êtes un petit peu susceptibles aujourd'hui. Ne prenez pas les petites critiques comme des attaques personnelles. Relativisez un peu, c'est mieux. 2 sur 5, les Sagittaires et les Scorpions. Tenez vos promesses, sinon ça risque de vous revenir en plein dans la gueule. Faites gaffe. Tenez vos promesses ou alors n'en faites pas. La journée sera meilleure comme ça. Les Verseaux et les Poissons, vous avez 3 sur 5. Ouais. Vous serez diplomate, une de tes principales qualités, Romano. Vous saurez créer l'harmonie dans vos relations. Ça aussi, c'est bien. T'as vu avec... Ça, je suis pas un animal. C'est tout lui, quoi. Ouais, tout lui. On a vu dans les conseils pas chers, il crée l'harmonie tout de suite autour de lui, là. Ça fait 3 sur 5 pour les Verseaux et les Poissons. 4 pour les Cancers et les Balances. En couple, c'est votre partenaire qui va céder à tous vos caprices. Soyez capricieuses, soyez capricieux. Et les célibataires, sortez, allez vers les autres. Et vous verrez, vous serez pas déçus de votre jeudi. Et pour les meilleurs du jour, les Capricornes. Comme toi, du fou. En effet, le Capricorne, on a 5. Notez bien. Tu te crois au téléphone rond. Ouais, t'as vu ou pas, la fille sensuelle. Les Capricornes et les Béliers, excellente forme physique, excellente forme mentale en ce jeudi. On passera pas inaperçu, c'est super. Capricorne Bélier, 5 sur 5. Bien joué. Ah, les phrases à la con là. Ah, les phrases à la con juste après. Justin Timberlake, qu'on écoute tout de suite sur Sky avec Can't Stop the Feeling. J'adore ça. Et puis il y aura du PNL aussi à écouter ce matin, c'est super. C'est Skyrock, c'est le morning. Bon réveil. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes nowhere to hide, when I'm getting you close, when we move, well, you already know. So just imagine, nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on, all those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop, stop, stop. Under the lights when everything goes nowhere to hide, when I'm getting you close, when we move, well, you already know. So just imagine, nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on, all those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling, yeah. So keep dancing. Yeah. Oh. Yeah. Yeah. I can't stop the. I can't stop the. I can't stop the. I can't stop the. Nothing I can see but you. Justin Timberlake sur Skyrock à 8h54, c'est l'heure d'en trouver notre compile du jour, les phrases qui énervent le plus des Français. On va les découvrir tout de suite, tous les matins la compile, c'est aux alentours de 9h-5, c'est pile l'heure. La compile du morning de Default sur Skyrock. Ouais, les phrases qui vous énervent. Et le tag grossi, il est pas mal, hein, ça. Hein. Ouais, c'est vrai aussi. T'as pas pris un peu, là? Ouais, t'as pas pris un peu, dis donc. Le pied sur une meuf, mais t'es pas enceinte. Alors, les phrases, pas du tout. Les phrases qui énervent le plus les Français, les voici, les voilà. Ah bah, celle dont on parlait tout à l'heure, tiens. Le t'es encore célibataire? Oh, t'as pas trouvé quelqu'un? Bah alors? Et quand est-ce que tu fais un enfant? Hein? Ça, c'est la phrase qui énerve pas mal de Français. Elle est 10e de notre classement. Numéro 9. Ah bah tiens, on en reparle. Le t'as pas grossi. Ah, t'as pas grossi. T'as pris un peu, non? T'as pas pris un peu, dis donc. T'as bien mangé, hein? Relou, ça. Après, le 8. Ah ouais, t'as pas une cigarette? Ça, c'est vrai que c'est relou. C'est souvent le début d'une embrouille, en plus. Pas une cigarette, dit Foul? Non, j'ai pas de cigarette. Je ne fume plus, je fais du sport. Ah ouais. En 7. Tu comprendras quand tu seras plus grande. Ah ouais, c'est quand t'es petit, ça. Ouais, quand t'es petit. Relou, ouais. Tu comprendras quand tu seras plus grand ou quand tu seras plus grande. Tu verras ça plus tard. En 6, mais non, tu peux pas comprendre. Ça, c'est bien un truc de meuf, ça. Ça, c'est un vrai truc de meuf. Ah ça. Non, mais tu peux pas comprendre. Non, mon chéri, mais tu es petit crocon. Ouais, tu peux rien comprendre, de toute façon. En 5, pas ce soir, j'ai mes règles. Oh. Ah bah, ouais. Ça, ouais. On l'a tous entendu. Dans le même style, en 4, pas ce soir, j'ai mal à la tête. Oh, casse-couille. Oui, t'as toujours une bonne raison. Hein. En 3, attention, le numéro 3. Numéro 3. On passe aux choses sérieuses. Tu viens de te faire larguer et on te dit une de perdue, 10 de retrouvée. Ça, c'est horrible, ça. Ou un de perdu, 10 de retrouvée. Ouais, t'inquiète pas. Oui, c'est pas grave. Bah, toi, t'es dégoûté, en dépression, amoureuse. T'en veux plus, T'en veux qu'une, mais non, mais bon. Non. On dit que tu vas en trouver 10. Mais bon, ça part d'un bon sentiment. Hein. Numéro 2. Numéro 2. Ah, ça, c'est quand on est en cours. Sortez vos affaires, ça n'a pas sonné. Ah ouais, quand tu commences à ranger, genre, tu vois la pendule, hop, allez. Allez, ressortez vos affaires, ça n'a pas sonné. Oui, ressortez vos affaires, je n'ai pas fini le cours. Oui, ou ça a sonné, mais vous allez attendre. Ouais. Et en 1. Numéro 1. Quand tu te fais larguer, allez, on va rester amis, mon chéri. Ouais, t'as raison. Ah, on reste amis. Ah, on va rester amis. Ah, bah ouais, bien sûr. Ah, bien sûr. Oui, oui, bien. Parce que t'avais dit ta gothique, Romano, quand tu t'avais largué. Non, non, c'est moi qui l'ai largué. Ah bon? Mais oui, rappelle-toi. Ah bon, t'es sûr? Oui. Ah ouais, c'est sûr que c'est oui. Ah ouais, bon. Bon, on reste amis, ressortez vos affaires, ça n'a pas sonné, un perdu 10 de retrouvé, pas ce soir j'ai la migraine, pas ce soir j'ai mes règles. Non mais tu peux pas comprendre. Non, tu peux pas comprendre. Tu comprendras quand tu seras plus grande. T'as pas une clope, t'as pas grossi, t'es encore célibataire, faut que tu trouves quelqu'un, ça énerve les Français. Eh ben voilà. Si vous voulez énerver vos amis aujourd'hui, vous les sortez les 10 à la suite. Voilà, vous savez comment faire grâce à Sky ce matin. Et là, pour gagner Joule, la tournée de Joule avec Skyrock, eh bien je vais vous expliquer comment faire. Vous envoyez roulette au 7-20-20 tout de suite. Roulette au 7-20-20 très très vite. Et puis on vous tire au sort. Vous vous retrouvez en direct avec nous dans le morning. C'est déjà cool. Et en plus, vous partez avec vos deux places pour aller voir Joule en tournée avec Skyrock. Profitez bien. Joule, encore une tournée Sky. Il est 8h58. Assieds-toi, maman, je m'occupe de tout. Attention, mon chéri, ce couteau coupe très fort. Oui, maman. Et lave bien la salade, mon choubiglou. Maman. Attention à ne pas brûler, trésor. Maman, je suis plus un gamin, j'ai 32 ans. Si j'ai pu m'offrir ma cuisine Ikea, je peux aussi l'utiliser tout seul. Il y a des choses que l'on aimerait ne jamais voir grandir. Chez Ikea, les prix restent petits toute l'année. Venez vite découvrir toutes nos cuisines à bas prix dans votre magasin Ikea. La nouvelle cuisine Calarp bleu turquoise est à seulement 379 euros. Ikea. Carrefour. Chérie, j'ai donné le biberon à ton petit neveu, tu peux le changer. Tu veux pas plutôt le garder pendant que je vais acheter des couches? Ah mais je les ai déjà. C'est les 15 jours bébés chez Carrefour. Et jusqu'à ce soir, on a 70% d'économie sur la carte Carrefour sur les couches Pampers. Ah donc je change la couche là. Bah oui tonton, au boulot. En ce moment, c'est les 15 jours bébés chez Carrefour. Jusqu'à ce soir, dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive, profitez de 70% d'économie sur les couches Pampers sur la carte Carrefour. Actifit Baby Dry taille 3 à 6, Baby Dry Pants taille 4 à 6. Voir modalité magasin participant sur carrefour.fr. Carrefour.

6h-9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. Oui, le morning sur Skyrock et Jennifer qui arrive avec nous. Coucou Jenny. Oui, bonjour. Bonjour. Salut. Alors, tu as 24 ans, je sais presque tout sur toi. Tu es à Saint-Nazaire. Oui, tout à fait. Tu es belle, intelligente, sensible, auditrice de Skyrock tous les matins, toute la journée, tout le temps. Voilà, en plus, c'est vrai. C'est bien, Jennifer. Tu fais quoi dans la vie, ça, je sais pas. Je suis assistante de gestion. Très bien. Oh, je te passe immédiatement en Romano. Oh, ce matin, c'est ta matinée. Hein. Les banques tout à l'heure, la gestion maintenant. C'est magnifique. Quelle matinée, mais quelle finale. Merci d'être là. Merci, Jennifer. Merci à vous. Bon, t'es à Saint-Nazaire, il y a Jules qui passe pas loin de chez toi en tournée. Il sera à Nantes. Oui, c'est vrai. Tu vas aller le voir? J'aimerais bien. Bah, on a des places pour toi, vas-y. On va essayer. Ouais. C'est Jules. Skyrock t'offre Jules en concert dans la ville de ton choix. Waouh. Chante aussi bien que Jules, presque. C'est clair. J'aimerais bien qu'il m'accueille lors d'une de ces dates-là. Mais c'est sûr, c'est prévu. Ah, je savais pas. C'est gentil de me faire des surprises comme ça le matin. Jennifer, la surprise pour toi, c'est la roulette qui tourne, t'as bien fait de t'inscrire. Ça tourne, tu l'arrêtes quand tu veux. C'est Jules sur Skyrock. Oui, merci. Rapport ennemi, non. Et c'est gagné. Tenez pas qu'il y a un temps de merde, hein, frère. Ah, dans le sud, c'est pas de notre faute, hein, je vous le dis. Jennifer, alors, pour toi, deux places pour Jules. Et ben voilà, c'est gagné. C'est vrai, merci. Franchement, c'est super. Et merci beaucoup. Tu les voulais, tu les as. T'es fan de Jules? J'adore, j'aime bien l'écouter. Je voulais y aller avec ma sœur, donc ça tombe bien, super. Nickel. Franchement, merci. Et ben, si Jules nous écoute ce matin, Jules, il y a deux filles de plus qui seront au concert de Nantes. Super, le concert. Merci. Avec Jennifer et la sœur, alors. Ouais, je dirais bien géré, Jennifer. Merci, franchement, merci beaucoup. Gestion, tout ça. Bravo, Jennifer, et d'autres places à gagner tout à l'heure, toute la journée déjà avec toute l'équipe de Skyrock et avec Fred qui arrive dans un instant. Bravo, Jennifer, on te fait de gros bisous. Merci beaucoup, bonne journée. Au ciao. Revoir. Bisous, bisous. Salut. La journée a bien démarré. Des iPhones qui sont tombés dans tous les sens. C'est bien marré déjà. Plus la PS4, plus les 1500 euros. Eh ben, écoutez, le petit résumé, c'est dans le Zap du Morning. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Écoutez bien. Ça s'est passé ce matin. C'est le Zap du Morning sur Skyrock. Eh, dis donc, je suis la prostituée que tu es venue voir l'autre fois. Oui, bah bien sûr, je te reconnais. Bah oui, bah, par contre, t'as oublié de me payer. Ah oui. Donc, j'ai repassé ce matin. Ouais. Tu me donneras 200 euros, ça fera bien l'affaire. D'accord. Voilà, et pour 50 balles de plus, je te fais une turlute. D'accord. Eh bien, à tout de suite, mon JP. À tout de suite, mon poule. Ça dérange pas ta femme? Non, pas du tout. Ah, ça t'arrange. Eh bien, ce matin, je vais turluter à tout va. Mais en fait, on est arrivé sur la plage, il y avait des roseaux. On s'est dit, tiens, on va se mettre derrière les roseaux. Ouais. Sauf que de l'autre côté des roseaux, on n'avait pas vu, il y avait une famille avec le parasol, la glacière, la totale, les gosses qui hurlaient, qui jouaient au ballon. Oui. Je veux une sucette comme la dame, papa. Et attention, tout de suite, il est là. Ça va chauffer, hein, il est pas commode. Voici Philippe Etchebest. Ça va chauffer en cuisine. Dans le réveil de star. Qui tu es, toi? Oula. Mon nom, Philippe Etchebest. Qu'est-ce que tu veux? Tous les plats de la carte sont surgelés. Oh, mais quelle espèce de taré tu es, toi, là? L'hygiène de la cuisine est déplorable. Oh, ça, tu peux venir lécher, gros con. Et plus propre que ton cul. Eh, hey, faut arrêter les conneries, là-haut. Faut arrêter les conneries. Putain. J'ai pas de problème, moi, trou du cul. Et donc, on fait quoi? J'ai mis que tu fermes ta gueule. Oh putain. Très bon contact. Très bon contact. Et on va rajouter à la carte un petit trou du cul. Voilà. On est en direct à la radio, Sofiane. Oui. Attends, ne crie pas tout de suite, Sofiane. Oui, oui, oui. On va d'abord te demander quelle est ta radio préférée. Ma radio préférée, c'est Skyrock. C'est gagné. Ouais. Dijon représente ce matin. Sofiane, tu viens de gagner 1500 euros en direct sur Skyrock, en direct des toilettes, ça c'est magnifique. Bravo. Yalla, yalla. Et le coloc Thomas aussi derrière là. Ouais. Je sais pas ce qu'ils faisaient dans les toilettes tous les deux. Mais bon. Bravo Dijon. Bravo Sofiane. Félicitations. 1500 euros pour toi. Inscrivez-vous au 72020. Vous envoyez 1500 au 72020 si vous voulez augmenter vos chances de gagner. C'est tous les matins. Vous vous inscrivez maintenant. On vous appelle demain matin. Donc allez-y, profitez-en. Vous avez 5 minutes. Eh bien, profitez. Inscription. Et demain, peut-être que vous serez avec nous dans le dernier morning de la semaine. À pas louper. Demain matin, ouais. Entre 6h et 9h. Demain, DJ Roro, la folie. Hein. Ah ouais, c'est bien. C'est la folie du vendredi. Waouh. Vivement demain. Bon, vivement ce soir déjà, puisque ce soir, on est de retour entre 21h et minuit. Alors, on a une grosse surprise pour Cédric, ça va lui faire très plaisir. Ah ouais, il va kiffer. Soyez là, on aura le match Italie-Espagne à suivre aussi. Ouais, ouais. Le problème du mois. Et puis les autres matchs internationaux, le problème du mois bien sûr, parce qu'on est jeudi. Bon bah en tout cas, plein de trucs à faire. On va passer une bonne soirée, on passera un bon morning demain matin, ouais. Ça c'est sûr. Et puis là, la matinée, elle va être magnifique. Il est de retour, c'est Fredo. Me voici, comment ça va? Salut. Quelle entrée, tu as vu cette entrée? Magnifique. Mais quel homme! Qui a été travaillé. Eh ouais, ouais. Kikou les boys and girls. Oh, hello. Bonjour Mathieu Delormeau, qu'est-ce qu'il va foutre là, lui? Ah, c'est Fredo. Je crois qu'il est fan de Fred. Ah, lui aussi, il est fan de Fred. Ouais, un plus. Il sait que tu fais Planète Rap et il aimerait bien connaître le milieu du rap. Ouais, bah écoute. Il a dit à tout le monde. Non, mais tu sais qu'il le dit souvent, ça. Je suis prêt à l'introduire dans ce milieu. Ouais. Introduire, tu prends des risques, là. Kikou les boys and girls. Oh, bah dis donc. Bon, bah d'autres stars de bas matin, vous tous en direct dans le morning. Et ce soir, 21h minuit, comme on vous le disait, on est de retour. Et là, c'est parti. Rap et R&B non-stop sur la première radio urbaine mondiale Skyrock. C'est avec Fredo. Coup d'envoi. Allez, go. Ciao, ciao. Ciao. Salut, à tout à l'heure. Et à toutes. Ciao. C'est parti pour le son de Skyrock à 9h10. Bonne matinée, bienvenue et bon jeudi à vous tous. On va débuter avec Kanye West, qui est en train toujours de réconforter Kim Kardashian. On écoute maintenant son morceau. Il s'appelle Fade sur Skyrock. I feel it fade. Fade. Fade. Fade. Fade. Fade. Fade. Fade. I feel it fade. I think I think too much. I feel it fade. But ain't nobody watching. I feel it fade. I just fade away. I feel it. Je suis chaud.

à donner un petit peu l'électricité à tous les Africains sur le continent africain. Il faut savoir qu'il y a plus de 600 millions d'Africains qui vivent sans avoir accès à l'électricité, donc forcément tout ce qui va avec. Donc Econ a monté une espèce de fondation qui va essayer d'apporter l'électricité dans toute l'Afrique. C'est donc un projet ambitieux. Ça s'appelle le Econ Lighting Africa. Bravo Econ qu'on écoutait à l'instant sur Skyrock. Le retour du son, ce sera dans quelques minutes avec Major Lazer. Le morceau d'Alonso des Psychiatres de la Rime, c'est avant 10h.